Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de tout. Oui, bonjour, Alban, il a sauté comme ça. Ah oui, oui. Il s'est même pas mouillé la nuque, il est parti. Je suis. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Float Class, comme à l'accoutumée. Float Class. Mais c'est changé de titre. Oh merde. Ah ouais, je t'ai pas dit. Première classe. Float Class. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien Méniel, malheureusement, petite nuit. Ah ouais, petite nuit. Ah ouais, petite insomnie cette nuit. Voilà, en ce moment, c'est une nuit sur deux. Mais je vais donner le meilleur de moi-même. Il y a une raison à ça. J'aimerais le savoir. Ah ouais. Mais la vie, quoi. La vie. Le monde. Mais en fait, pardon, excuse-moi, c'est que tu vas te coucher. Non. Et tu vas pas te coucher. Du coup, c'est pas une insomnie, juste ça du sort, en fait. Oui. Non, moi, je reste. Non, nuit blanche, c'est ça que je veux dire. Pardon. Non, mais. Non, mais genre, est-ce que tu vas te coucher et là, ça ne vient pas, ou est-ce que tu vas te coucher, tu t'endors et tu te réveilles? C'est ça. Ah, okay, ouais. Après 8 heures de sommeil, je me réveille quoi. Ça fait une belle nuit. Non, je me suis réveillé vers 4-5 heures du matin et j'ai peur. Alors, c'est le stress ça. Dis-lui, toi, ouais, t'as des trucs. Bah, c'est pour ça. Les graines de shoya ou un truc. Ah non, les cailloux. Elle va parler des cailloux. Je lui avais fait une box à Alban avec que des produits bons pour la santé. Il ne l'a jamais ouverte, je suis sûre. Si, j'avais mangé tes graines. Si, parce que j'avais mis un paquet de clopes dedans, mais entre temps, tu fumes plus de cigarettes. Non, mais j'avais pris tes graines de chair. Ah, et ça t'a régalé. Chiasse, c'est bon, moi. J'aime. Ah, j'ai eu une chiasse. Mais j'avais plus mal à la tête. Hein. Et donc, selon les heures auxquelles tu te réveilles, pourquoi tu soupires? T'as soupiré, j'ai vu. Tout s'est éteint, le regard, le soupir. C'est quelle planète qui me fait le. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, tes organes, ils fonctionnent avec des horaires. Et donc, je regarderai vers 3-4 heures, tu dis? Ah, bah, j'ai un organe qui fonctionne, ça, je peux te dire. Allez, oh, c'est beau. Il parle de sa putain de queue. Il est en train de nous dire qu'il baisse trop. Oui. Et il peut plus dormir. D'accord. Oh, c'est beau. Quel homme. C'est pas ça. Notre première invitée est une habituée de la maison puisque c'est sa 6e participation déjà. Dans l'Olympia. C'est ce que j'allais dire. La dernière fois qu'elle est venue, c'était à l'Olympia, tout simplement. Quelle reine. Les vieux de la vieille l'ont peut-être découverte dans des sketchs sur Internet, mais maintenant c'est dans le format plus long qu'elle officie. Le film Mystère du futur, La Traversée, Le Daron bientôt sur TF1, oui. J'ai vu. Ou bien Challenger qui sort ce mercredi. Alors à ne pas confondre avec Challengers. Yes. C'est le film avec Zendaya qui fait du tennis et des plans à 3. Là, c'est Audrey Pirot qui fait de la boxe. Non, et c'est déjà c'est très bien. C'est Alban Ivanov qui fait de la boxe. Tu l'entraînes, tu. Voilà. Je suis manager. Pas de spoil. C'est un spoil déjà. Déjà, boxe déjà, moi ça m'a. J'avais pas déjà. Il y avait un gant sur l'affiche. Bon, bah c'est Audrey Pirot, voilà. Oh, wow. Folie. Quelle joie. Tu es Polly et pas Mickey, c'est ça que tu veux dire en termes de Rocky par exemple. Oh, t'as pas vu Rocky? Oh, elle a pas bossé le rôle. Elle a pas bossé le rôle. Non, mais c'est le côté Mickey, je me suis dit, attends, il parle duquel? Mickey, c'est l'entraîneur et Polly, c'est le manager. Oui, on est bon. Elle savait pas qu'il y a eu des films sur la boxe avant Challenger. Elle a halluciné, elle a fait une bête d'idée. C'est génial. C'est un sport hyper novateur. Il va juste falloir que ce pigeon s'en aille parce qu'il me déprime. Il a une patte, il est très malade. Je lui demandais de partir. Non, il est malade. Lui va non pas mais laisse-le pauvre. Laisse-le le pauvre, c'est une blague le pauvre. Ah mais non, il a deux pattes en fait, il en a une relevée, tout va bien. Non mais il fait le malin, il fait semblant. Non mais il a l'air mal en point le pauvre. Ah bah c'est pas il est déjà, mal il vole plus. Bah, il marche. C'est pas bon signe. Tu lui dis de partir, il fait non. Non, ça fait tu pour aller pas, où je peux pas. C'est hors de question en fait. Pour aller où? Errer sans fin jusqu'à je me réveille tous les jours à 4h du matin. C'est vrai que je vois un peu mon image. Ça me met mal. Notre second invité, c'est sa première fois dans l'émission. Il est acteur, humoriste. Et sur sa photo Wikipédia, pas de tapis rouge, pas de cérémonie de Molière, mais il est posé tranquille dans une voiture. Est-ce que t'as vu cette petite photo? Ah ouais, ouais. Posé. Il est posé dans son wiki. Tranquillement. Oh ben, voilà. Bon, non, mais il a su rester simple. Oh ben, voilà. En train de faire un freestyle. Je fais une carrière à 50 km/h. J'essaye de pas me faire flasher. C'est propre. Hein. Il y a la ceinture. Mais non, c'est nickel. Non, vraiment, c'est dans le respect. Les mains. À 10h10, bien sûr. On l'a vu dans Passion le Grand Mal, Le Sang dans la Fête, La Petite Histoire de France et dans toute la filmographie de Varand Soudjian, dont son dernier film, Challengers, dans lequel il joue un boxeur sur le retour. Mais parmi tous les grands acteurs avec lesquels il a joué, il y a ce petit bonhomme. Ouais, il y a 10 ouais, ans, et oui, dans le Gros Moustache, dans Top Wesh. Absolument. Mais enfin, et peut-être surtout, il a commencé sa carrière en hurlant Je t'emmerde à Gérard Klein dans l'incite, et ça, c'est pas mal. Ouais, c'est Alban Ivanov. Bravo. Oh, bravo. Wouh, monde en folie. Merci de ton enthousiasme. Ouais, ça fait plaisir. Merci Alban d'être avec nous, ça fait trop plaisir. Grand plaisir, merci de l'invitation. C'est trop cool. Donc oui, vous venez pour Challengers, alors on va faire les news du non, sans S, sans S. J'ai dit bien S. Ouais. Mais déjà dans la vie. Sinon, mets un G à la fin. Challenger. Comme ça, on est sûr. Donc on va commencer avec le jeu du Floodcast. Alors, savez-vous quel est le point commun entre Angèle, Timothée Hochet, je recommence. Savez-vous comment moi je sais plus parler ce matin. Michel Courtemanche. Ouais, il fait pas tant de ces deux funestes. Le grand retour de Courtemanche. Vous aviez vu ce truc terrible, Courtemanche qui avait fait un spectacle 100% impro. Ouais, et en milieu de spectacle, il avait fait non mais c'est de la merde, je vais vous rembourser, c'est ce que je fais. C'est horrible. Ouais. Et il a arrêté. Après, il a arrêté tranquillement, mais 15 ans, je pense. Il était revenu il y a pas longtemps. Il avait joué dans HeroCorp. Ouais. Il jouait Captain Canada. Bien sûr. Mais ouais, terrible. Il y a, je crois qu'il y a des images même. Ouais, ouais, ouais, il est en train de faire. Il fait ses mimes et tout. Il fait comment il fait ouais, d'accord. Pourtant, c'était une bête d'impro. Je comprends ça. Que c'est. Je comprends pas qu'il est. Mais il a vu qu'avec ça, il allait pas tenir une heure. C'est ça qu'il s'est rendu compte en train de le faire. Il est rentré, applaudissement, il a fait. Non, mais non. Mais c'est vraiment un peu ça. C'est pas ça. Donc savez-vous quel est le point commun entre Angèle, Timothée Chalamet, Pierre Niney, Léna Situation, Thomas Pesquet et Aya Nakamura? Tu l'as? Oui, moi aussi. J'ai vu le reel Combini. Ah, vous l'avez vu passer? Alban, il l'a pas vu peut-être? Non, j'ai pas vu. Il l'a pas vu. À ton avis, c'est quoi? C'est les Jeux Olympiques. Ouais, bien tenté. En vrai, à tous les coups, ils sont... Puff Daddy. Soirée chez Puff. Vous savez alors, Audrey. Audrey, c'est quoi? Ils ont tous fait partie du même classement? Wow. Oui, bon, oui. Bien sûr. D'accord. Écoutez, c'est pas la peine non plus d'être. De me prendre comme ça. Je veux dire, je participe. L'autre façon, j'ai la bonne volonté. Une autre façon de répondre était je ne sais pas. Non. Mais pas du tout, on avance pas à pas. Ils sont célèbres. Oui, bon, André. Oui. Non, ils font partie des top gens dont l'identité est usurpée pour faire des arnaques. Ah, c'est ça, j'en venais. Oui, mais après, c'est ça la réponse. Exactement. Ils font partie du top 10 des identités les plus usurpées. Oui, ils prennent leur identité et genre avec les IA et tout, ils font genre salut, c'est Pierre Niney, tu veux investir dans le Bitcoin? En fait, c'est pas du tout lui qui parle. On en avait parlé déjà. Souvent, c'est les vieux qui se faisaient arnaquer par ça, par des Marc Lavoine, enfin des faux, je parle. C'est pas le vrai Marc Lavoine. Oui, là pour le coup, je crois que c'était le vrai. Moi, il m'a appelé au tel après tout. Mais là, effectivement, Angèle, tu vois jamais Pierre Niney, la situation, toi, parce que Aya Kamara, Céline Dion, SCH, Squeezie et Omar Sy. Et B. Oui, c'est vrai. C'est le top 10. C'est drôle, mais parce que mais je sais pas qui cible vraiment avec ça. Parce que Timothée Chalamet, les vieux, ils savent même pas qui c'est. Là, je pense que c'est les jeunes, vu le top, vu Squeezie. Là, ça peut marcher sur les vieux. Les vieux sont pas fous de Squeezie. Il y a Cyprien qui s'est fait aussi. Lui, c'est pire. C'est une fausse pub qu'il y a sur. Tu scrolles sur TikTok. Mais c'est ça. Non, c'est des gens qui vont directement dans TMP, qui se font passer pour Léna Situation. D'accord. Mais Cyprien, il y a une fausse pub. Tu scrolles sur TikTok ou sur Instagram et t'as sa tête qui dit salut, j'ai utilisé un site qui est super. Et c'est l'IA qui a repris sa tête et sa voix. Et qui a la bouche qui change et tout. Et en fait, c'est horrible. Bah ouais. C'est arrivé ça. Enfin, il y en a, parce qu'il y a des cons, hein, jeunes ou vieux. Mais dans ce délire-là, il y a une dame, tu l'avais vu ça, qui pense que David Hallyday veut se marier avec elle. Ah oui, je l'avais vu passer. Alors que, il veut se marier avec moi, quoi. C'est impossible. Moi, il m'a promis là, enfin, j'ai réservé la mairie du 19e et tout, donc ça m'étonnerait. Qu'est-ce que cette histoire. Donc oui, effectivement, c'est clairement un groupe les célébrités dont le nom est le plus souvent lié à des menaces en ligne. Des menaces. Oui, enfin des menaces. Non. Pierre Niney, je vais te tuer. Yo, tout le monde, c'est Squeezie, donne-moi ta thune, putain. Non, là, c'est le site, McAfee. Tu vois ce que c'est? Oui, McAfee. C'est les trucs de virus, etc. Ouais, il se fait chier dans la bouche, le mec. Mais on avance d'info en info. Sans se mouiller la nuque, t'as vu? C'est vraiment. Il y a un très bon documentaire sur. En fait, McAfee, c'est un mec qui a inventé, je crois, le premier antivirus ever. Et c'est devenu, bon, il a un peu pété un câble après, et du coup il vivait à Belize. Ouais. Et il avait monté une armée, le mec est vraiment fou. Et entre autres, excentricité, il se faisait chier dans la bouche. Ah bon? Mais c'est dans le document. Non, peut-être pas dans la bouche. Trigger warning, chier dans la bouche. Mais c'était avant. Non, il se faisait chier dessus. Enfin, c'était une de ses petites. Il avait un Mac avec un trou. Mais t'en sais beaucoup sur ce gars. Il y a un documentaire sur lui. Oh là, et c'était son colloque à la fac. On va se marier aussi. On fait un trouble avec David Hallyday. Et donc il est dans un Mac et quoi? Non, c'est les meufs qui sont dans un hamac, mais dans le hamac il y a un trou. Il y a plein de trous. Et il se met en dessous du hamac. Ouais. Bah, c'est la meilleure config. Moi j'ai étudié. Les maisons du monde, ils ciblent ça maintenant. Avec le vendre, ils disent vous pouvez chier dans le hamac. Tranquille. Il y a un truc avec un petit velcro, si tu veux juste t'allonger normal. C'est pratique. J'aime bien moi ces histoires. J'ai envie de me faire chier dans la bouche, mais c'est pas tout. Il me faut un hamac. Il y a une mise en scène. Tu vois, on voit quelqu'un aller chercher un hamac. Je le vois aller sur Amazon Prime alors. Hamac. On prend Prime comme ça, je leur main. Il a testé des trucs au début. Tu vois, il a juste accroupi. Il a fait mais non. Mais non. Il y a mieux à faire là. Pas un transat, un hamac. J'ai dit. N'importe quoi là. Ça va te couler dans le dos, c'est ridicule. Au début il a dit je sais pas, peut-être une table basse. Et puis il a acheté une scie, il a fait non mais faire un trou c'est... Oh c'est beau. C'est de l'acajou, ça va prendre des heures. Ah bah tiens attends, effectivement tu l'accroches où ton hamac? Du coup t'es forcément, tu fais ça dehors. Non mais le gars il est milliardaire, oui, un jardin, hein. Il a acheté il a acheté, meublé hein, je crois hein, il a acheté un terrain entier. Mais regardez le documentaire, il est sur Netflix, je crois. Hein, il n'y a pas que de la merde, hein, tout le docu est cool. Hein. Oui. Non, mais ça raconte que le mec a vraiment. Il était vraiment... un peu foufou. Parce qu'il a monté une milice après, une milice armée à son service, quoi. Parce que le début du docu, c'est il se fait arrêter vraiment pour un contrôle de routine par des flics. Ils ouvrent son coffre et je crois qu'il y a des fusils à pompe, de la drogue. Enfin, c'est. Il est passé de informaticien à baron d'une mafia. Enfin, trop chelou. Qui nous a donné à tous et à toutes envie de regarder ce documentaire. Franchement, Mikaka, mi-info. Mais ouais, j'adore. C'est un peu le slogan du podcast. Mikaka, mi-info. Tcha-tcha et virus. Ça me plaît ce que tu me dis. C'est la gastro, quoi. Est-ce que vous êtes déjà fait arnaquer en tant que vous-même? Alba, est-ce que tu t'es déjà fait rouler dans la farine? Comme une vulgaire escalope, par exemple. Non, je crois pas. Non. Mais j'ai déjà vu des gens, enfin des trucs, les faux comptes, passer avec mon nom. Des gens usurpaient ton identité. Ouais, je faisais gagner des places et tout. Donc en général, je mets un petit post en disant que c'est pas moi. Bah oui. Mais, la moindre des choses. Non, j'ai pas eu ça. Bon. Je suis très méfiant, moi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Audrey. Ouais, si je, en fait, à vrai dire, je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'est encore aujourd'hui. Déjà la médium pour chien, déjà qui t'a arnaqué. Déjà. Elle m'a bien arnaqué. Tu savais ça, Albor, elle t'a raconté. Non, parce que c'était dans un vieil épisode du podcast. On va aller très vite pour les gens connaissent. T'as chié dans la bouche de qui? Non, j'aime pas ça. Ah putain. Non, c'est pas mon délire, ça. Ah ouais? Ouais, j'ai un hamac, mais. Il y a pas de trou. Non, il y a pas de trou. Albor, l'île dossier de presse de Challenger, c'est écrit noir sur blanc. Oh putain. Non, ouais, une histoire avec mon chien. Bah, tu connais Mila, elle est complètement zinzin. Oh, une sombre histoire là récente. Bon, on va pas parler de mon chien là, mais. Tu t'es fait arnaquer par une médium? Mais non, mais c'est qu'en fait, je cherchais des solutions et je cherchais dans toutes les solutions possibles et il y avait. Si, arnaqué. Non mais bon, elle est pas venue te voir, genre. Non, c'est toi moi qui allais te plaindre. Oui, j'y suis allée, j'ai frappé, j'ai dit oui s'il vous plaît. Elle m'a dit un prix, j'ai dit avec plaisir, merci beaucoup pour votre prestation. Elle a pas frappé, elle a fait ça à distance. Elle a fait ça à distance. Et en fait, c'est une médium, enfin c'est une nana qui parle avec les chiens, genre une télépathe de chien, une télé quatre pattes. Oh, allez, si, elle est venue tout comme ça, bah je me suis dit là. C'est vraiment comme les grosses têtes cette émission. Et du coup, elle m'a parlé de mon chien, plus elle m'a parlé plus de mon père. Et que c'était un peu ça le problème certainement de notre de ton chien, mon chien et de ma relation moi à mon père, qui du coup. Allait un peu sur le chien, il y avait quelque chose de pas raisonnable. Non, trop bizarre. Mais tout ça au téléphone, hein. Oui. Sur WhatsApp. Non, tout ça sur WhatsApp. Elle a laissé des vocaux. Ouais, une note vocale d'une. Juste, j'ai juste besoin d'une photo du chien et je me connecte. Elle avait donné aussi deux élixirs que je devais pchiter sur le chien. Tu l'as fait? Oui. Bah oui, à 240 francs suisses, je veux dire, je pchite. Oui, parce qu'elle était en Suisse. Oui, d'accord. Une arnaque selon toi, Alban, ça? Oui, bah oui, c'est... non mais le chien va pas mieux le chien va pas mieux malgré les élixirs pourtant. Donc c'est une arnaque. Mais deux élixirs pourtant, pas un seul, hein. Par contre là il y a un an ou deux en fait vous savez les trucs de droit quand on s'inscrit à la SACEM, SACD et tous ces trucs, personnellement je n'y comprends rien mais je suis inscrite à ces... Je fais une crise d'angoisse là juste d'avoir que t'as dit ça, mais je n'y connais rien à ces trucs là et il m'avait envoyé à un moment des il faut que vous payiez ça. Et moi, je disais, mais je crois que l'avoir pourtant déjà payé. Bon, bref. Et à un moment donné, dans ma boîte aux lettres, je reçois, mais genre un an et demi après, une lettre d'huissier. Oh. et qui dit vous devez payer ceci, et je me dis ah, est-ce que c'est pas le truc ce vieux souvenir de cette institution que je ne saurais pas nommer, oui, avec que des lettres. et je me dis bon, je sais pas, c'est trop bizarre, bon je mets ça un petit peu de côté. Bah, une lettre de huissier, mais... c'est toujours bien de la mettre de côté, au cas où c'est pas important. N'hésitez pas à faire ça chez vous. Je suis dans ta team, hélas, malheureusement. Mais non, mais je me suis dit c'est trop bizarre, pourquoi déjà petit 1, pourquoi ils appellent pas, oui, en premier lieu, t'appelles. Ça c'est la, ça c'est la France, mon pote. Ouais, marrer, alors, non, mais je me dis c'est peut-être une arnaque. Ouais. Et après quelques semaines plus tard, je reçois un bon de passage d'un huissier dans ma boîte aux lettres. Ah oui. Qui ah dit oui, genre on est passé. Et là tu dis ouais, ils ont poussé l'arnaque. Ouais, de... ils sont ouais, forts. Ah ouais. Et, ouais. Et là je me dis bon, je paye tout de suite tout, tu vois. Mais à vrai dire, je n'arrive quand même pas à savoir si c'est une arnaque ou pas, parce que pour moi. Juste la question, c'est pourquoi toi t'appelles pas. Mais j'ai appelé. Ah d'accord, ok. J'ai appelé le truc d'huissier, genre, eh, vous allez pas me la faire, c'est une arnaque ou quoi, ouais. Et la nana, mais j'ai trop dit tout de suite, est-ce que c'était une arnaque. Et il y a aucun arnaqueur qui fait, ah vous m'avez eu. Allez, oh, bah, on vous rembourse. Oui, voilà. Non, mais bah, non. Alors ça me gêne de vous enlever. Beau joueur, enlever. L'arnaqueur beau joueur. Ouais. Et elle me dit, mais elle avait une voix bizarre. En fait, tout était étrange. Et après j'ai rappelé et je crois que le cabinet genre a un peu fermé. Non, vous voyez le côté bizarre. Et depuis, t'as qu'un rein. Mais le truc, ça fait beaucoup. Attends, donc, du coup, t'as payé et tu sais pas si t'as été arnaqué ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en vrai de vrai, les trucs SACD machin, normalement, tu fais un chèque-os 1000 ans avant et après, ils servent. T'as rien à faire normalement. Bah, c'est. Ouais. Ce que j'avais fait. Ouais. Bon, allez, c'est une arnaque. C'est une arnaque, on est d'accord. Julien Courbet, ça me plaît. On va les appeler tout de suite. C'est vrai, quoi. C'est possible. C'est bizarre, hein. Bah oui, oui. Mais cela dit, ce truc de croire que maintenant c'est des arnaques alors que des fois il faut juste payer, ça m'arrive très souvent. Bah oui. Là, j'ai vu ça avec l'eau récemment. J'étais genre, jamais j'ai payé l'eau. Je vois pas. Je vois pas d'eau. C'est quoi ces conneries? J'ai essayé de m'arnaquer. Et là, ta meuf a dit, si, si, on le fait. C'est moi qui le fais normalement. Non, non, non. C'était un truc de. Et effectivement, il a fallu que je paye avec des intérêts et tout. Alors que je croyais que c'était une arnaque. Donc ça, je peux. Bah, tu vois. Non, mais t'en as maintenant par mail, t'as des arnaques ou c'est genre des lettres de préfecture et ouais, tout ouais, ça. Et ça, c'est vrai que ça met toujours le doute. Ça casse la tête. Donc, ça fait très très peur. Je me dis malheureusement, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui doivent se faire avoir. Parce que tu vois, les réseaux sociaux, en vrai, tu te dis bon, vas-y, c'est fake. Mais quand c'est sur ta boîte mail et ça paraît officiel. Moi, j'avais raconté ici, mais des trucs qui se font passer pour l'assurance maladie. Toi, tu t'es fait. Moi, j'ai failli faire arnaquer. Très loin dans l'arnaque. C'est-à-dire que machin. Et en fait, la double arnaque, c'était quelqu'un m'appelle en me disant vous êtes en train de vous faire arnaquer. Oh là là, sauf que la personne qui m'appelle, c'est la personne qui m'a arnaqué. Et à coup, il machin, il dit ouais, vous avez votre nom, prénom, adresse, donc je donne tout. Oh là, débile. Là, là, là. Et après, ils m'ont dit votre mail et votre mot de passe de votre compte de votre banque. Je fais oula, oh là, oh là, là, vous m'avez pris pour un débile. Ça va, t'as des limites. T'étais pas si con que ça, excuse-moi. Je me suis arrêté à la troisième lettre. RT, attendez, pardon. En septembre dernier, René Raymond et son épouse Linda ont décidé de s'offrir des vacances en Suisse, pas pour voir un pas pour chien, mais une sorte de retour aux sources pour l'Américain qui est originaire du pays. Mais à leur retour de vacances, ils reçoivent une facture de 143 000 euros. C'est beaucoup. C'est une petite somme. À votre avis, que s'est-il passé? Le minibar. Quelqu'un a tapé dans le minibar. Attends, ils partent en Suisse et quand ils rentrent chez eux dans leur pays, ils reçoivent aux États-Unis, ils reçoivent cette facture de 143 000 euros. Et ça vient de Suisse. Ouais. C'était ça ma question. C'est pas un truc chez eux qui s'est passé entre temps. Alors, on l'a mis mal. Non, non, bien joué. Non, mais bonne question. Bonne question. Non, mais elle a levé son index en même temps. C'est sérieux. Quand elle a le doigt en l'air, c'est sérieux. C'est-à-dire que ça s'est passé en Suisse, mais c'est des dollars américains qu'ils doivent payer. Parce que c'est lié à leurs vacances, mais c'est l'Amérique qui leur réclame tant d'argent. Mais ça s'est fait. L'Amérique. L'avion. Pas l'avion. C'était Jodassin, ça. Le logement. Pas le logement. Attends, c'est les États-Unis qui leur réclament l'argent, mais c'est lié à leur voyage. C'est lié à leur voyage. C'est lié à un truc qui s'est passé en Suisse. Oui. La prostitution, il a. Non. Bah, je l'ai tenté. Non, mais t'as bien raison. Bah, t'aurais pu. Attends, est-ce que c'est un truc d'abonnement, un truc payé en ligne? Genre abonnement Netflix qui aurait mal tourné? Je sais pas, non, mais tu vois, un truc genre. Alors on s'approche. Ou de la VOD, tu vois, genre ils ont acheté des films. Non, ils ont pas acheté. Attends, pour 143 000 euros de films, tu sors pas de la Suisse. Dans ces cas-là, tes vacances, elles sont cheloues. Cinéphile, moi. Déjà, tu vas pas en Suisse pour regarder des films, déjà. Reste chez toi. Je connais pas le mec. Alors on s'approche. C'est pas lié à la VOD, mais c'est effectivement des achats en ligne. Non, pas des achats en ligne, mais c'est un truc online. Le téléphone. Pas un achat. Non, mais pas un achat. Pas un achat en ligne. Facture téléphone. Très bonne réponse d'Alban Ivanov. Ah, wow. De leur forfait. Si vous avez déjà voyagé à l'étranger, parfois quand on fait les données à l'étranger. Et bah, mais on... c'est de la data, mais ils ont dépassé 143 000 dollars. Alors en fait, ce qui s'est passé, non, mais là, c'est que sans faire exprès, René Raymond. Et là, il n'y a pas un petit, une petite notif à un moment. Ça vaut déjà 50 000. Prévenez-moi, je vous dis ça comme ça. Tu me sens des SMS tous les jours. Vraiment, il faut que vous réagissiez. Ça fait beaucoup. Alors, quoi, avec ma banque, j'ai certicode dès que j'ai 1,20€ qui sort. Attendez, validez-moi tout ça via l'appli quand même. Non, 843 000 euros, parce qu'en fait, ce qu'il a fait sans faire exprès, c'est qu'il a envoyé toutes les photos et toutes les vidéos de son téléphone à l'étranger, enfin, genre chez quelqu'un aux États-Unis, chez un de ses contacts. Et du coup, ça lui a coûté 143 000 et 442 dollars, le tout pour 9,5 gigas de données, donc ce qui est pas si rien non plus. Bah, à quoi 9 gigas. Mais moi, j'ai genre 250 gigas sur mon forfait. Mais t'imagines 30 milliards, t'aurais dû. T'aurais dû payer 30 milliards, c'est ça le truc. Ah oui. La compagnie est formelle. Tu vas voir, ils vont attends, te dire. Comment est-ce qu'ils ont pu se faire désarnaquer? Est-ce que quelqu'un a pu dire? Alors c'est pas une arnaque. Eh oui, non, mais bah oui, non. Ouais. Bah, c'est une arnaque légale pour moi. Ouais, allez, on se sert la main. Non, mais on a le gouvernement ou en France. Salaud, enculé. On sait bien cette radio, on peut se lâcher. Enculé. Elle doit être torse nu, un lance-flamme. Libérez la Bastille. Non, en fait, ce qui s'est passé, effectivement, c'est T-Mobile qui est en gros l'équivalent de Orange aux States. Eux, ils disent non, pas d'erreur. Et non, pas du tout, parce que René, évidemment, il a engagé des poursuites. Il a dit, attendez, 143 000 euros, c'est fort de café. Déjà que je m'appelle René, au moins. J'ai payé ma dette. Mais voilà, T-Mobile, les clients devraient toujours vérifier les fonctionnalités de voyage de leur forfait, telles que l'itinérance internationale des données avant de partir. Si un client utilise un forfait plus ancien qui n'inclut pas l'itinérance internationale pour ses données, c'est ses appels. Parce que c'est un vieux en fait. C'est, ouais, ça. Ah, c'est horrible. Ouais, c'est la double arnaque. C'est une arnaque. Allez, c'est... moi aussi je te resserre la main. Allez. Nous on n'est pas d'accord. Il devra qu'il utilise le mode avion et le wifi lorsqu'il utilise des données pour être certain que l'appareil ne se connecte pas. Voilà. Non, mais c'est dur. S'ils font un procès, ils gagnent, je pense, les vieux là. Aux States, attention. Il y a peut-être abus de faiblesse. Ça peut passer. Moi je trouve. Après, il est en vacances en Suisse. Non. Il a la thune, je pense. Ça sert 140. C'est une vraie somme. Non, en plus, moi, c'est vraiment que t'as dit pour 9 gigas. Si c'était 6 téra, t'aurais fait aller, why not? Non, mais voilà. Même. Oui, bah, non, mais déjà, 9 pardon, gigas. Mais pour qu'est-ce que tu. 6 téra, qu'est-ce que t'envoies comme. Ça va vite, attention, avec ces petites machines. Mais moi, je te dis, moi, mon forfait, j'ai 250 gigas de data inclus, quoi. Tu te la pètes, c'est ça? Non, mais c'est pour dire 9 c'est rien, quoi. 9 c'est rien du tout. Ça doit être les photos les plus chères de l'histoire. Ça se trouve, photos, même c'est pas prise d'un appart. Bah, c'est incroyable. C'est horrible. C'est incroyable. Ah ouais. Bah, j'espère que René il va être remboursé. Hein. On va. S'il est pas mort. Juste pour René. Une petite partie. Il peut y aller 40 000 et puis on en parle plus. Oui, une petite chip pour aider René. Ouais, non mais bon, on part de 140 aussi. Non mais T-Mobile, je sais qu'il nous écoute. Faites un effort. Ouais, s'il vous plaît, un petit effort. Please T-Mobile, please. For René. Non mais en fait, je comprends même pas que automatiquement ils mettent pas à jour les forfaits. Comment c'est possible qu'il ait un vieux forfait comme ça, quoi? Moi mon téléphone se bloque. Ouais, parce que moi je suis un con. La dernière fois j'étais aux États-Unis, j'avais pas fait le truc de couper. Tout de suite c'est monté à 70 balles et moi mon téléphone a dit c'est fini, c'est bon, vous avez plus d'argent. Oui, t'envoies un message. 70 euros de dépassement, ciao. Oui, c'est ça, voilà, bien sûr. Mais à l'inverse, t'avais, je sais pas si tu te souviens à l'époque, il y avait le forfait Millennium. Bien sûr, qui se revendait et tout là. Il se revendait à des sommes astronomiques. Ouais, après même les opérateurs, c'était quoi? C'était SFR, je sais plus. Ouais, c'était SFR. Ils rachetaient aux gens. Exactement. Parce que sinon, ils perdaient trop d'argent. Le forfait. Vous êtes sûr que c'est SFR? Je pense que c'était Itineris. Je sais pas. Vous embrouillez pas, les gars. C'est trop con. C'est trop con de vous embrouiller pour ça. J'ai aucun avis. Ils allaient avec le téléphone Ericsson, le T28S qui était chez SFR à l'époque. Allez, je vais débunker. Ouais, on va regarder. Ah non, mais là, c'est source sûre. Ok. Non, là, je ne branche pas sur oui, ce terrain-là. Bah, visiblement, tu es engagé. Itineris qui a dit. Bah, oui, parce que c'était ça. Tu te crois où, Moby Chart en fait. Non, c'était ça. Bah, pardon, il y avait les forfaits aussi, Itineris. C'était quoi, vous, vos pires vacances? Est-ce qu'il y a des vacances, des petits voyages qui se sont très mal passés? Audrey, je sais qu'il y a eu un voyage à La Réunion. C'est SFR. Oh, bah, c'est oui. SFR, le oui, bah il était sûr de lui. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, là, il doutait pas. Ouais, non. Là, l'œil bougeait pas. Ouais, il m'a regardé. Le point était fermé. Non, mais j'étais. Là, ça tremble pas, là. Il a remis son t-shirt. Ouais. Il faut quoi pour que des vacances passent mal pour Adrien Méniel? Pas d'internet, déjà. Non, dans mais la chambre. Attends, ça va. T'es un mec connecté, arrête. Non, mais je sais pas. En vrai, je sais pas, j'en sais rien. Ouais. Tu rigoles ou quoi mauvais. Mais lui, il lui faut quoi, une plage, un parasol. Une bouchée de pain, un morceau de pain, des chiens. Oui, mais avec un petit internet. Oui, petit, mais et encore. Non, mais encore. Oh, ouais. Un peu internet, mais bon. Je me suis quand même retrouvé à errer dans la montagne parce que j'avais plus de réseau dans mon camtar, là. Donc. Oh, le pauvre. Il est en camtar, Adrien. Bah oui, Alban, je te présente Adrien Méniel. Oui, on parlait tout à l'heure. Eh, c'est un foot camtar. Bah vous avez pas leur antenne. Tu t'as amitié qui s'est né dans mon dos là, ça a pas ou quoi? Bah, on se connaît, on a fait Top Wesh. Ouais, on a fait ça, nous. Pas que Gérard Klein, moi aussi. C'est peut-être votre seul point commun avec Gérard Klein d'ailleurs. Bah ouais, ma mère était instite. Oh! Non, non, elle a été prof des écoles, mais pas. Enfin, prof. Bon, ça marche, ça marche. Non, elle était prof. Prof, pas prof des écoles. Bah, prof, c'est. À l'époque, en tout cas, c'était collège-lycée, c'était prof. Et t'as une matière, t'as une matière versus plein de matières. La maîtresse ou l'instit va donner les maths, le français, et les autres et les instits et les profs vont avoir une seule matière. Voilà. D'accord. Putain, et bon, les instits ont une série, alors non. Aussi. Voilà. Avec pas les profs. Les profs ont un film. On partage le même cerveau avec Adrien. C'est pas possible ça. Juste sur les pierres, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Les pierres. Laisse-moi 20 minutes avec les... les pierres. Les pierres qui donnent de l'énergie. Ah c'est d'accord. Bon, attends, on en a pas parlé ça depuis. Non. Ah d'accord. Non. Ah, d'accord. Oh, il a fait un. Bon, je croyais que c'était un rappel. Elle est là-dedans. Non, mais il a bougé sa main. Tu l'as mollement. Pas dans oui. Tu la connais la grande. Un geste de main qui veut dire la ma boule. Excellent pour des pierres. Boule de pierre. Ouais, boule de pierre. Ça te va bien là, ma boule. Non, vous riez trop sincèrement. Je vais t'appeler comme ça. Ah, c'est la ma boule. Bonbon et la ma boule. Le petit duo. Le petit dessin animé sympa. Faire une BD. La ma boule. Bonbon et la ma boule. J'aime beaucoup. Non, Alban, toi, des vacances un peu pourraves. J'ai une semaine horrible. Je crois que ce qui nique le plus les vacances, c'est peu importe où t'es, c'est les embrouilles. Donc je fais une semaine embrouille entre mon ex et mon meilleur pote et appartement invivable pendant une semaine. Oh. Ah oui, dur. Ah oh, c'était horrible. Ouais. Tu vois, genre les deux s'embrouillaient entre eux ou c'est toi ça qui t'embrouillais? Non, eux s'embrouillent entre eux et ils veulent plus se parler et toi t'es au milieu de ça. Et c'est j'ai super passé ambiance. Ça. Ah oui, ça gâche les vacances. Bah là, c'est pas des vacances pour le coup. Non, non, non. Oh, tu reviens, t'es encore plus fatigué. Tu dis, bah, j'aurais mieux fait de galérer, moi, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, je dirais ça. Il faut quoi pour que t'aies des vacances nickel, toi? Bah peu importe le lieu, hein, c'est avec qui t'es. Hein. Ouais, vraiment. Ouais. T'es pas un mec qui dit, ah, moi, c'est plus la plage, plus la montagne. Non, toi, tu te fais à tout. Non, ouais, franchement, tout me va. Toi, Audrey? De quoi? Pareil, qui êtes-vous? Ah, la maboule! La maboule, elle se réveille! Non, il faut quoi pour des bonnes vacances? Il me faut un transat. Ok. Un Mac. Léger trou au centre. Un parasol, parce que j'aime pas m'exposer au soleil. Bien sûr, il faut se protéger, c'est quand c'est la gêne, ouais. Ouais. Maintenant, t'as dit. Ouais. Avant, le soleil depuis deux ans. Le nouveau soleil qu'ils nous ont mis là. Il est fort. Il y a de plus en plus de tempêtes solaires. L'avez-vous vu? Ah oui. Et non. Ah bon? Ah bon. Ah bah alors non, toi, au top de l'actu. Alors ça m'étonne. J'ai pas cette prétention déjà. Bon, c'est pas. On se parlera des tempêtes solaires à un autre moment. Non, bah, c'est mais non, un transat. Non, bah. Donc ça peut être montagne ou plage, okay. N'importe où, France profonde ou enfin oui. Peu importe le lieu, ou plat pays, voilà. Ouais, les grandes villes ou les petits villages, voilà. Bien sûr. Voilà. Et un buffet le matin. Et non, enfin du pain à l'huile plus un buffet le matin. Voilà, ça, au début c'était genre elle est pas difficile. Pain à l'huile. Mais attends, il y a pas plus simple qu'un pain à l'huile. Non mais j'ai jamais vu ça dans attends, un buffet quoi. Non, pain complet. À l'huile, pas du tout d'un pain blanc. Hein. Attention, il faut hein. Que t'aies ça dans pas le de pain blanc. Lou, oui, j'ai jamais compris. Ça fait gonfler. Ouh là là. À l'huile. Tu me regardes quand tu dis ça. Je suis en excès de pain blanc. Elle fait trois fois. Ouh là là, ouh là là, pain blanc. Ça fait gonfler. Regardez le monsieur là. Il mange trop de pain blanc. On va dire que t'es arrivé avec trois baguettes. On n'a pas compris ce que t'as foutu. Elle a peut-être raison. Non, mais tu prends un petit pain complet, tu le fais griller, une petite huile d'olive. Ouais, si t'es un peu gourmand, un petit feta, okay. Feta huile d'olive ou feta miel. Faut que t'ailles en Grèce en fait. Enfin, mais je sais. Oui, d'accord. Mais t'es pas obligé d'attendre les vacances pour faire ça. Non, je fais tous les matins. Ah oui. Oh, voilà. Oh là là. Oui, bah oui. Tu es d'accord. Non, mais celle-là, il en faut peu. Bah, moi, je pense qu'il me faut du calme. C'est ça le truc. De vacances, pas trop de monde quoi. Bon, un lieu station balnéaire où il y a trop de monde, ouais, pas des vacances. Mais est-ce que dans vos vacances, il vous faut pas à un moment donné une bonne fête? Non. Ah, pas du tout, l'inverse peut-être. Il faut une fête. Moi non. Allez, un bal des pompiers, un petit bal des pompiers, Audrey. Je peux rester à la maison, Audrey, pendant que vous allez à votre fête. Oui, c'est vrai, mais tu vas nous manquer, Adrien. Tu vas nous manquer. Au petit déj, il va peut-être un peu gueuler parce que quand même, vous avez fait du boucan en arrivant à 4h du mat. Ça pue l'huile d'olive. Non, il faut quand même à un moment dans les vacances un tout. Ouais, hey, ça va, ouais, je vais au bar. Une tu journée veux un truc ivre. Moi, ouais, un peu. Ouais, une journée où vraiment tu bois toute la journée, tu sais plus de quelle heure il est et tout, c'est sympa. Attends, tu commences dès le matin? Ouais, dès une. une, hein. Ouais, une journée. Oui. Oui, parce que c'est. Une journée de vraies vacances, pas sur un week-end. Oui, non, non, mais non, mais non. Oui, oui. Vite, voilà. Ton lundi est vite compliqué, quoi. c'est ça. Le côté beach party, là. Tu journée, tu sais, t'as un peu chaud. Il faut que tu sentes comme ça que t'as un peu chaud. Tu sais, tu respires le soir et il fait chaud. Il y a cette sensation de chaud et. Moi, le truc, c'est que maintenant, il me faut 6 jours pour me remettre de ça. Donc, j'aime plus faire ça, quoi. Mais t'es pas obligé de te coucher tard. Ouais, même le truc de. De toute façon, déjà, organiser des trucs, moi, ça gâche un peu les vacances. Oui, mais là, avec... c'est pas. Toi, tu dis aller à une beach party, quoi. Ouais, ça. Genre. Ouais, elle est bizarre. T'organises pas. Tu vas aller à Ibiza. Ouais, tu voulais aller à Ibiza cet été. Ouais. Ah oui, on va y aller, je veux aller. Bah, il paraît que c'est. Au-delà de la fête, il paraît que c'est magnifique, quoi. Oui, je sais. Surtout, en plus. J'aimerais y aller un peu hors saison. M'agace pas, en fait. Non, mais c'est dans le sens. J'étais avec toi. Tu le sais qu'on est une. Allez, on se resserre la pince, mais c'est pas vrai. Des vacances comme ça, une piscine, le matin tu peux faire un petit plouf comme on dit chez les vacanciers. Moi je dis pas ça, mais tu dis quoi? La piscine. Tu veux te baigner? Vous pouvez pas faire moins de bruit. Le chiant il veut du calme. Mon sudoku il est trempé là. Merci, c'est hein. Pas parce qu'il y a une piscine qu'il faut se baigner. Excusez-moi. Viens rentrer dans la piscine sans sauter parce que bah, moi, mes mots fléchés là, je les défausse au stylo, c'est voilà. Ah, je m'en voudrais en plus de foutre les mots fléchés. Non, mais ouais, j'ai très envie de. On va se les faire ces vacances-là. Donc, ouais. Pas grand chose, mais quand même du pain à l'huile, une piscine, Ibiza. Ça commence Voilà, c'est ça, une petite enceinte Bluetooth. Ouais. Ouais, très bien. Là, on est bien. Un petit garçon de 5 ans s'est fait virer de sa classe. Pas de transition. Ah non, mais il y en a plus. Il est retourné. C'est bien, c'est efficace. Et d'ailleurs, on n'a pas entendu le générique au tout début, mais ça, c'est je pareil. Je le mets en post-prod maintenant. Il le met après. Non, mais bon, attends, Audrey. Attends. C'est bien, déjà. Ça fait 10 piges, hein, on est rangé des bagnoles. Oui, moi, mais comme les gens qui écoutent sont au courant que ça a changé. Tu donnes les insides. Tu donnes un petit peu les insides. Donc oui, un petit garçon de 5 ans s'est fait virer de classe par sa maîtresse. À votre avis, qu'a-t-il fait pour mériter ça? Donc il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Mais est-ce que lui, est-ce qu'il s'est fait taper par sa maîtresse? Non, on n'est pas dans une ambiance rentrée 2023. Il a dit un gros mot à la maîtresse. Alors, sale pute. Tu t'approches. Va te faire enculer, sale pute. Ouais, alors je vois où tu veux en venir, en vrai. Alors il n'a pas va dit... dans le hamac, sale pute. C'est bouffe beaucoup. Ma merde, quoi ouais. Oh là là. Alors il n'a pas dit va dans le hamac. Mais en fait, il a dit quelque chose quand même. On est autour d'un gros mot et en même temps pas vraiment. Un grossophobie, un truc alors, méchant. Non, il a pas été. Attends, est-ce qu'il y a un quiproquo sur ce qu'il a dit? Oui. Ok. On est dans quel pays? On est en France. On est en France. Ah, d'accord. Quiproquo. Ah, et donc c'est un truc. Oui, c'est comme s'il avait dit oh je me sens acculé et elle a entendu va te faire acculer quoi. C'est ça. C'est la bonne réponse. Ah, je vous le dis. C'est pas acculé. Ah mais c'est le si c'est acculé ça. Non c'est pas acculé c'est quoi mais elle a compris autre chose c'est ça mais enculé elle a compris ça non, ou pas du tout non. Ah non c'était le mot nyctalope. Ah nyctalope. Nyctalope. Ah elle a compris nyctalope. Nyctalope ou... je pense j'imagine un truc comme donc, ça donc on était du coup sur une incite qui avait moins de vocabulaire qu'un enfant de 5 ans du coup exactement enfin, ouais. Alors, c'est chaud ça quand même c'était une prof de maths ça passe déjà le gosse de 5 ans connaît le mot nyctalope déjà. Bah, oui, il est marrant. Ça veut dire quoi? Et pas son instinct. C'est quand quoi. Tu vois dans le noir nyctalope. Ouais. Ah ouais, eh oui, ouais. Les chats, on dit t'es nyctalope. T'es nyctalope, ouais. Ah ouais. Le gros nyctalope que t'es, même, on peut dire. et la meuf, elle connaissait pas le mot et elle s'est dit, bon, dans le doute, je le vire. Au lieu de peut-être de chercher. Attends. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'elle a compris. Elle a compris nique-toi, salope. Oui, je pense qu'elle a entendu nyctalope ou un truc comme ça. Ouais, mais nyctalope, ça veut rien dire. Oui, mais c'est un petit 5 ans, tu le dis, tu. Oui, tu peux le dire. Ah, il maîtrise pas bien, mais il voulait dire ça, quoi. À 5 ans, il est là. Il a 5 ans. 5 ouais. ans, ouais. Ah ouais, mais tu dis ça à 5 ans, frère. C'est... Alors, il est HPI. C'est l'info que je vous donne. Eh oui, d'accord. Et oui, dans en la fait, bouge... je pense qu'il venait d'apprendre le mot, un truc comme ça. Il l'a répété, il était fier de le dire, bah il se fait virer. Mariette Bousquet, directrice pédagogique du cours privé Cyrano à Nice a évoqué le 10 octobre l'incident peu commun ayant impliqué un enfant et sa maîtresse. Donc c'est une école de d'enfants surdoués. Dans un échange entre la maîtresse et les enfants en classe, son fils a utilisé un mot que l'enseignante n'a pas compris et pensant qu'il l'insultait, elle l'a exclu de la classe. Oh là là, en plus, c'est une école d'enfants surdoués, ouais. Genre spécialisée dans les enfants surdoués. Ouais, ouais, ouais. Il y en a un qui dit un mot qu'elle comprend pas. Pas dans les instituts surdoués. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Mais oui, parce qu'il faut savoir. Toi, t'étais dans quel collège, la maboule? Oh, moi, j'ai arpenté le 93. Moi, c'est le collège de la rue. Ouais. Le collège Elikaku. De... Autant vous dire que l'institut venait souvent dans le collège de la rue. Un enfant qui entre à 6 ans au CEP peut connaître 6000 mots, mais chez les hauts potentiels, ça monte à 9000 mots, souligne le psychologue clinicien Georges Cognier. Quant à sa consoeur Nathalie Boisselier, elle rapportait chez Nice Matin que 2,28% des Français ont un QI égal ou supérieur à 130, le curseur pourrait être considéré comme HPI, donc cet enfant est éminemment surdoué, et donc il connaît des mots comme nictop. Là, en fait, il l'a dit, le contexte du cours aurait pu mettre quand même la puce à l'oreille de l'enseignante, car cette dernière évoquait très précisément la capacité des chats à se repérer dans l'obscurité. Non, bon, allez, donc la non. définition du mot nictalope. Ouais, il a dit nictalope, elle a fait, tu dégages. Ouais. C'est qu'elle ne savait même pas que. C'est très bizarre. Ça ressemble un peu à ça. Le mot, et bah oui. Genre, mais le mot, il s'est pas, le gosse, il s'est pas défendu, quoi. Il a pas dit, mais non, mais ça veut dire ça. Bah, il a dit, ça veut dire voir dans la nuit, grosse pute. Ah, il a peut-être été un peu loin. Oui, mais dans la colère, il est peut-être aussi TDAH. C'est possible. Alors après, les HPI, ils détestent les injustices. Donc. Peut-être il s'est emballé. Bah du coup c'est peut-être encore pire. Elle a créé une blessure chez ce gamin là qui va se renfermer et devenir peut-être injustice. Bah oui. En tout cas mettez vos gosses dans le privé quoi. Ça, vraiment c'est top. Faut trier sur le volet les instincts quoi. Vous étiez quel genre d'enfant vous quand vous étiez petit? Albo, est-ce que t'étais photo? J'ai lu dans une interview, et là t'es à la maison, que t'imitais Chirac. Donc déjà là. T'es chez nous, on adore imiter Chirac. Au collège, ouais. Au collège. Mais t'avais quel âge au collège? Bah j'avais 13-14 ans, j'adorais imiter Chirac. Ah, je faisais ça matin, midi et soir. Ouais. En classe et tout. Mais tu faisais juste l'imitation avec les doigts et manger des pommes. Écoutez. Ah oui. Tu vois, c'est ça. C'est très bien, mais nous on adore. On est là. Moi, donc, c'est plus Mitterrand, mais. Chacun ses trucs. Attends, il n'y a pas de. Donc, elle était un peu. Parce qu'évidemment, mec marrant, on se dit, il était un peu fauteur de troupes, il faisait des vannes et tout. Ouais, ouais. Si, j'ai toujours été. J'ai toujours aimé rire très, très, très tôt. Ouais. Ouais, ouais. L'enfant marrant, le clown. Ouais, le clown. Beaucoup d'énergie, envie de rigoler et de faire le con. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ça va, les notes suivaient? Pas du tout. Ah oui, d'accord. Ah bah faut choisir. Moi j'ai choisi d'être con très tôt. Ah j'avais pas de problème d'HPI. Hein. Moi je disais vraiment nique toi salope. Hein. Il convoquait pas ma mère, on a un doute avec ce qu'il a dit. Non, y'a pas de doute. Écoutez. Allez, avertissement travail et conduite. Ah ouais, j'en ai fait des doublés. Hein. Non, pas du tout. Les notes suivaient pas du tout. Je m'ennuyais en classe terriblement. C'était horrible. Audrey, toi? Harcelé. Allez. Ah, cool, sympa. Qui d'autre? Non, bah Flo. Oui, un peu harcelé aussi, moi. Mais sinon, ça, pendant du CP au bac? Du CP à ma seconde, première seconde. Après, j'ai redoublé, j'ai rencontré mes amis d'aujourd'hui qui sont toujours mes amis. Mais ouais, le lycée, ça reboot un peu, je trouve, ces trucs-là. Donc, c'est le collège qui est très dur, je trouve, mais le lycée, ça. Non? Bah seconde, là, t'es entré au lycée. Attends, mais harcelé collège ou avant, j'ai même fait, primaire j'ai et tout. Primaire, ça a commencé, primaire. Primaire, après j'ai changé d'école, je me suis dit peut-être ça va s'arrêter. Non, ça a continué. Après lycée, ça a continué. Ah d'accord. Et collège, ah, ça a continué. Et après lycée, première année de lycée, ça a continué. Et après, j'ai rencontré un groupe de filles qui faisaient, je pense, effet, tu vois. Ouais. Ou peut-être, ouais, du coup, ouais. Ouais, mais étrangement, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, genre à aucun moment de mon parcours un peu entre guillemets harcèlement, j'ai dit non. J'ai dit faut arrêter. Ouais. Genre j'ai jamais. Tu veux dire que c'est ta faute? Non, c'est pas ma faute du non, tout. Mais non, mais c'est pas... normal, c'est bah, comme en ça. Même temps, ouais. En ouais, fait, bah, c'est ça qui est horrible. C'est des termes qui existaient même pas à l'époque. Bah, harcèlement, c'était genre oui, bon, allez, c'est des chamailleries de cours de récré. Ouais. Enfin, non, puis en plus, tu prends le rôle qu'on te donne aussi quand t'es gosse, quoi. Ouais. Et récemment, genre il y a vraiment peut-être une petite semaine, ma mère m'a dit je m'en veux de pas avoir vu que ça n'allait pas, alors que en fait moi le matin je partais partais à l'école et arrivé devant l'ascenseur, donc on ouvrait la porte de l'appart, devant l'ascenseur, je recourais tous les matins, c'était ça. Ouais. Donc mes parents laissaient la porte ouverte, je recourais pour aller aux toilettes et genre malade diarrhée, de stress, quoi. Et hop, après je repartais à l'école. C'est et... ça que t'as fait en arrivant. J'avais pas compris. Non, mais là, non, mais c'est passé, c'est une vieille habitude. Pendant qu'Albo imitait Chirac pour la porte des chiottes. Ah mais sur le tournage de Challenger, c'était quelque chose. Hein, c'était pour couvrir le bruit, c'est un vrai pote. Ouais, ouais. Écoutez, il est malade, qu'est-ce qu'il fait là? Donc ouais, ma mère m'a dit j'aurais pu en fait me dire que c'était. Il y avait quelques indices. Si t'as fait ça de la primaire au lycée, putain, c'est que... long de ouf, hein. Ouais. Mais après, mais les notes, elle peut peut-être se dire à sa décharge, pour sa défense, je veux dire, elle peut peut-être se dire t'avais un problème gastrique. Ouais. Ouais, mais on n'est jamais allé consulter. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et je vais même te dire que le jour où du coup j'ai eu l'appendicite, donc je pars le matin et je dis j'ai mal au ventre. Ma mère elle me dit oui, mais comme tout le temps, Audrey. Donc j'arrive à l'école, j'ai quand même mal et tout. Je rentre chez moi après l'école et je devais aller au conservatoire et j'appelle ma mère en disant ah j'ai toujours mal au ventre. Elle me dit oui comme d'habitude, t'as pas envie d'aller au conservatoire. Et après le conservatoire, enfin mes cours de piano solfège, il était 20h et quelques, on devait juste rentrer à la maison, regarder certainement Madame est servie, donc il y avait rien de grave quoi. Et là je lui dis j'ai encore mal au ventre, elle fait ça c'est bizarre. On est allé chez le docteur qui nous a dit ah il faut aller tout de suite à l'hôpital. D'accord, parce que ça peut dégénérer. Et je me suis fait opérer tout de suite. D'accord. Dans la foulée de l'appendicite. C'est pas la meilleure pub pour ta mère. Malheureusement. Elle s'en est rendue compte récemment. Il y en a plein qui l'ont. Ouais, c'était mignon d'ailleurs sa part de me dire. Quand c'était trop tard. Je suis jamais à l'aise avec les parents qui se réveillent très tard comme ça. Moi, ma mère, elle avait eu un truc comme ça aussi de. Oui, quand j'étais jeune, j'ai fait ça. Je fais ah ouais, mais là, meuf, c'était il y a 25 ans. Moi, je me suis un peu construit. Voilà, c'est mignon, hein, mais. C'est toujours ça fait toujours du bien quand les gens reconnaissent leur tort. Bien quand même, sûr, oui, oui. Même évidemment. Si c'est après et tout, il y a un peu un truc où tu peux. Ça guérit quand même un truc, je trouve. Ouais. Les parents qui disent ah, j'ai merdé et tout, tu fais. Ouais, bah, bien sûr. Donc, c'est cool quand même. C'est vrai. C'est pas tous qui le font. C'est vrai. Si je peux me permettre. C'est permis. Adris permet, c'est ton. Enfin, oula, non, se permet. Se permet. Après Pharrell Williams, c'est toujours pas de. Oh là, toujours pas... C'est génial, j'adore. Qui a produit, je vous rappelle, un biopic version Lego. Je sais pas si vous avez vu Pharrell Williams, son biopic c'est en Lego. Ouais. Ah voilà, bon, il a fait ça récemment. Mais c'est... attends, c'est diffusé où ça? C'est au Cinoche. Ah ouais. Attends, mais c'est sorti? Non, ça va sortir. Ah, oui. Ça va sortir, voilà, mais... bien après Challenger, je vous rassure, qui sort ce mercredi. Mais biopic en Lego. Un biopic en Lego, okay. Et il y a un autre artiste, Robbie Williams, qui sort son propre biopic également. Ouais. Et à votre avis, quelle en sera sa spécificité à Robbie Williams? Bah, on s'en battra les couilles un peu. Un peu ça déjà. En vrai. Non, un peu quand même Robbie Williams. Un peu, c'est vrai. En 2024, on s'en branle un peu, hein. Malheureusement. I'm gonna enjoy. Bah, il a fait une vidéo là-dessus hein, où il se balade dans un parc et il dit putain, plus personne me calcule. Ah ouais. Ah, c'est dur. Du coup, il fait un film, pas mal. Bah, en animation. Il fait en alors, animation. C'est pas en animation, mais tu te rapproches. POV. Pas POV. Oh, ce serait stylé. Ah ouais, c'est une bonne idée. Oh là là, on appelle UGC. C'est une très bonne idée en vrai. Ah, ça pourrait. La vie de Jacques Brel en POV. Bon, il dégueule beaucoup. La vision est trouble les trois quarts du temps. Ça me fait penser à un autre truc qu'un chanteur a fait, mais ça se trouve, c'est dans TNews, donc je vais pas le dire. Non, vas-y, je pense que j'ai pas. James Blunt. Non, j'ai pas vu. Il a fait quoi? Mais j'ai oublié donc. Ah cool. Non, non, mais en gros. Il souffle le cheveu et le froid. En fait, non, je crois que c'est. Vincent Cassel dans Mon Roi. C'est qu'il ressort un album là, James Blunt. Ok. Et il a dit, je crois, s'il est numéro 1, je change de nom et c'est vous qui décidez de mon nom, un truc. Oula. Comme ça. Ouais. Un truc dans le genre, un truc. Prise de risque. Très bonne idée. Ouais, un truc comme ça. Bref. Ouais. Je vais quand même vérifier que mais j'ai James pas Blunt, dit n'importe quoi. Il fait beaucoup de vannes sur le fait qu'il a fait que deux chansons connues, qu'elles font chier tout le monde. Enfin, il a fait le générique de L'amour est dans le pré. C'est vrai. Attention, il y a Adrien qui va se corriger. Oui, alors en fait, non, c'est pas les gens. C'est juste un nouvel album. C'est pas les gens qui choisissent. C'est même pas lui. C'est que il dit, si je suis numéro 1, je change mon nom et mon nom officiel sera Blunty Mac Bluntface. Non. Bon, c'est un peu nul. Hein. Attends, redis. Blunty Mac Bluntface. C'est une blague d'anglais, ça, je pense. Ouais, je pense. C'est ouais. Hilarant, d'ailleurs. Ouais. À Londres. Vous seriez anglais, vous seriez par terre. Je rigole avec ma tasse de thé. Ouais, ouais, là, c'est bizarre. Non, là-bas, on se marre. Ben... Mais Robbie Williams, c'est pas ça. Robbie Williams, okay, c'est donc, vraiment un film sur en lui. En stop motion. Pas en stop motion, mais Alban, tu t'approchais avec l'animation. En 3D en... en dessin animé. Ah, en VR. Alors, pas en VR. En 3D, pas vraiment. 360. Mais... En IA. Pas en IA, pas à 360. Alors, je vais vous dire, c'est un film normal avec des acteurs, mais interactif. Pas interactif, mais il y a une spécificité dans le film. C'est un film vraiment avec un début, un milieu, une fin. Enfin, vous ne cherchez pas un procédé dingue dans la salle, quoi. Mais dans l'histoire de ce film, il y a un petit truc un peu étrange. Est-ce que c'est un truc à la Roger Rabbit? Ou c'est genre moitié dessin animé, moitié... Alors, on s'approche. Ah, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il est bien, ce film? Ouais, ça fait longtemps. Moi aussi. C'est, en fait, c'est plus ou moins ça, mais c'est pas la réponse que j'attends de la question. C'est qu'effectivement, il y a. C'est tourné en fond vert. Alors, peut-être, mais c'est pas ça. Ok. Est-ce que. C'est tourné à deux caméras. C'est des animaux à la place des. Regardez-le celui-là. Non, mais regardez-le celui-là. T'es vif. Eh oui. Regardez-le celui-là. Alors. Il y a un animal. Ok. Tout le reste, c'est des humains. Et c'est un chien. Et donc son rôle est joué par un animal. Robbie c'est Williams. Ton lien. Et c'est le chien de vrai qui surine des gars du coup, dans la rue. Robbie Mabouliams. Effectivement, Robbie Williams est un animal dans le film. Oh. Ah, et vous trouvez lequel? Un singe. Non, un singe. Ah. Robbie Williams sera un singe en 3D dans le biopic sur lui. Attends. Ah c'est oui, pas oui. un vrai singe. Ah, ah bah non. J'aime... Ah ouais. Ouais, non, j'aime même mieux parce pourquoi que... Enfin, c'est. Ah, c'est... Alors, c'est... attends, c'est, la... pas, c'est pas un NFT de merde là de Divic. Non, c'est vraiment. Rappelons que c'est compte. Vous voyez, donc c'est un petit singe comme dans la planète des singes. Ah, mais il a l'air agressif. Okay. Ouais, bah, ça dépend. Peut me plaire, ça peut me plaire. Ouais, oui, là il est encore plus agressif. Oula là, il est très agressif. Ah, mais il est moche, mal fait. Ah bah, et puis il se mélange à des humains. C'est réalisé par le mec qui a fait The Greatest Showman. Ah, mais c'est triste un peu, je trouve. Pourquoi? C'est quoi la démarche de ça? Toi où tu veux en venir, Alban? Bah, ouais, je pense qu'il a dit. Un biopic sur moi, les gens ont dit, oh, on s'en branle, il dit, non, attendez, je suis un singe. J'ai fait, allez. Oh, allez, bingo, okay, tiens, allez. Reprends une ligne. Ah, ouais, tu sens qu'il fallait une idée pour que les gens acceptent de faire un biopic un peu, quoi. Alors, le film qui doit sortir le 17 janvier 2025 adopte un surprenant point de vue. Plutôt que de faire interpréter Lex Take That par un acteur qui lui ressemble vaguement, il le représente dans la peau d'un chimpanzé numérisé. Ce parti pris est justifié par une petite phrase prononcée par Robbie Williams lui-même dans la bande-annonce. Je suis un singe ou quoi? Il avait dit ça. C'était pas loin. Hein. Il dit je me suis toujours perçu comme un être moins évolué qu'un humain. Ah ouais. Et il avait fait un qui s'appelait Me and My Monkey. Bon, que moi je connais pas parce que je connais pas Robbie Williams. Oui, bah c'est ça le problème. Voilà. On veut pas savoir un biopic. Le cochon aussi a de l'ADN en commun avec les humains. Très proche de humains, ouais. Ouais. Ouais, donc il aurait pu être un cochon. Je pense que sur le message que ça envoie d'être un porc dans l'industrie musicale. Bah, c'est terrible pour cet animal qui n'a rien de mauvais. Ouais, c'est vrai. Merci, Audrey. Non, mais c'est terrible. Il a pas choisi en fait. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai, mais voilà. Il y a le regard la maboule. Ah, j'aime bien regarder la maboule. Alborg a quand même d'ailleurs doublé, alors pas un porc, mais quasi. Bah oui, Pumba. Un facochère. Ouais. Oh. Et il fait Pumba le mec. Ouais, tu refais Pumba. Là d'ailleurs, j'ai vu qu'ils en faisaient un. Ouais, on y retourne là dans pas longtemps, on fait une apparition. Ils font Mufasa, ils font la vie du père. C'est ça. Ah ouais. De Simba. Pumba, on rappelle, qui est le premier personnage Disney qui a pété dans un film. C'est extraordinaire. Peut-être le seul. Ouais, bravo. Attends, tu chantes. C'était déjà doublé par Yvan, le père. Yvan. Alors, mais tu sais que c'est tout le monde. Attends, je vais juste dire Alban et tu vas monter. Alban. Non, mais tu sais qu'en avant-première, là, c'est beaucoup de gens. En fait, c'est le Ivanov, Alban, Ivanov. Et les gens mash-up l'histoire. Et donc, tu deviens Yvan Albanov. Ouais, j'adore. Qui prout, du coup, rappelons-le. Après, j'appelle Alban le Noir, Yvan aussi. Donc je suis c'est vrai. Ok, d'accord. C'est juste avec le prénom. C'est juste le en, apparemment. Ok. Tu ça chantes aussi dedans. Ouais, je chante dedans. Je chante Hakuna Matata. Je chante quand je même. Je chante Hakuna Matata. Ah, pas mal. Ça t'a fait un truc quand tu ouais, l'as. Ouais, truc de fou. Ce qui m'a fait bizarre, c'est d'aller le voir avec mon fils. Là, c'est quand même. Quand je l'ai vu, je devais avoir. C'était quoi, 10 ans. Ouais. Donc le fait d'être en enfant, d'aller voir le roi lion en enfant, et de t'identifier à Simba et de te retrouver. 30 ans plus tard en mode Mufasa, ça fait quelque chose. Ah ouais. Mais t'es Pumba, t'es pas Simba. Mais je suis Pumba, moi. C'est les meilleurs persos. Bah oui, ouais, bien sûr. Oui. Moi, je me souviens. Enfin, quand j'étais gamin, c'était mes ils persos ont préférés. Pensez à moi pour le facochère. Ça me va. Mais c'est de la fiction parce que je lâche pas du tout de chess dans la vie. Ah, Audrey, non. Sur les tournages et tout. C'est un enfer. C'est un bon, enfer. Moi j'y vais. C'est d'où les graines de chien à un moment donné que je suis envoyée à la boîte. C'était pour sa santé à elle qu'elle disait. Par courtoisie, pas voulu dire la raison de la boîte, mais c'était que des trucs genre, gars, il y a un problème, un vrai problème. Tu vas péter là-bas. Parce que normalement, tu prends pas ce soin pour aller. Tu t'écartes pas. Tom Cruise fait ses propres cascades. Alban Ivanov fait ses propres paix. Ah, mais voilà, ne le poussez pas dans le genre. Matin, midi, soir, peu importe l'heure, la configuration. Et là, il a un sourire, si vous saviez, jusqu'aux oreilles. C'est ma particularité. Mais talent caché. Après, tu bouges beaucoup, tu prends beaucoup les transports, la voiture, le train. Et je me dis, t'es flatulé peut-être de. De la vie de... Ouais. Non, c'est genre. Flatulé par la vie, c'est une chanson de Jonathan. Flatulé par la vie. Je le cherche parce que c'est vrai que ça me fait rire, ça me fait rire. Les paix me font rire, c'est vrai. Il y a deux teams, on en parle beaucoup avec Adrien. Moi, je suis pas un fou des paix, par exemple, ouais, dans la vie. Ouais, mais tu. Si, t'aimes bien, en vrai. Non, mais moi, c'est surtout sur les tournages, c'est le côté super sérieux. T'as 50 techniciens et tout, et toi, t'es là, tu lâches une pièce. Ça ralentit tout. Ouais, ça te remet dans un truc de très terre à terre, très bête. Franchement, quand t'auras ton César, tu nous balances ça. Tu dis, écoutez, genre, je lâcherai sûrement une caisse. Hein. Sur scène. C'est mon jeu, ça aussi. Lâcher des caisses. Des fois, je me dis, le premier rang, ils doivent entendre. Mais c'est mon jeu, je suis là. Quand tu fais ton spectacle. Ah, c'est mon jeu perso en spectacle. Je suis là devant un zénith et je lâche des caisses derrière mon bureau. Je me dis. On a des inside aujourd'hui. C'est pas rien. Jean du showbiz. Ouais. Tu sais, d'ailleurs, je le dis entre parenthèses, les gens adorent le Floodcast, vous devez le savoir, mais en étant parfois juste dans les transports, dans le train que je prends beaucoup, eh ben je vois les gens vraiment écouter le Floodcast. Ah, ça fait plaisir. On me dit comment dans tu la vois rue, et eh ben sur leur téléphone, ils mettent le Floodcast. Tu fouilles les gens. Ouais. Je regarde à travers les épaules, enfin au-dessus des épaules, pas à travers les épaules. Elle voit à travers les épaules. Que les épaules. Juste à travers votre âme. Mais ça, c'est autre chose. Je vous en reparlerai. Oui. Voilà. Et les gens aussi, beaucoup, même là en tournée, ils nous disaient mais le Floodcast, les gens vous adorent. Oh, c'est gentil. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on parle de Robbie Williams qui joue un singe. Mais vous, quel genre de rôle vous aimeriez jouer? Mais en animal, tu veux dire quel genre d'animal non, on aimerait? J'étais plus ouvert que ça. Ah. Après, ça peut être un animal, mais j'étais plus ouvert de. Alors, il joue pas un singe, c'est l'inverse. C'est un singe qui le joue. Si je peux me permettre. Oui, je suis d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais parce que c'est quand même Robbie Williams qui donne sa voix au perso et tout. Il joue lui-même. Oui, c'est vrai. Mais c'est un singe qui le fait lui. C'est le singe qui le fait. Ce qui est d'ailleurs très bizarre, parce qu'en vrai, s'il n'y avait pas le procédé du singe, c'est terrible de jouer dans son propre biopic, quoi, je trouve. Tu joues ton propre rôle, tu refais ta propre carrière. Il vaut mieux attendre d'être mort. Bah oui. Déjà. Après, ils avaient fait un film sur Elton John qui était pas mal. Mais purée, c'est incroyable. Tu l'as mis à l'épaule. Bah ouais. Et j'ai adoré ce film. Ouais, c'était magnifique. C'était vachement bien. Il était bien. Il est fou ce film. Ouais. Mais c'est vrai que c'est mieux quand. En fait, surtout, ils ont un peu tous la même façon de faire les biopics maintenant. C'est vraiment, t'as toute la vie, et puis d'un coup, il a l'idée de la chanson. Mm. T'es genre, oh là là, bah, je vais prendre mon petit déjeuner, comme d'habitude. Attends, comme d'habitude, redis ça. Redis-le. T'as toujours un peu ce moment-là. Mais non, quel rôle vous aimeriez jouer, toi, Audrey? Est-ce qu'il y a un rôle. Film d'époque, peut-être, je sais pas, je te vois. Ouais, je suis entre le passé, tu sais, genre un film d'époque ou un film du futur. Film du futur, t'as déjà fait, ceci dit. Oui. T'as fait le viseur du futur où vraiment tu fais des combats et t'as des armes et tout. C'était chouette. Il n'y a plus que le film du passé. Y a plus... Ouais, non, mais attendez, on peut. Oui, un autre film du futur. Un autre film du futur. Ou un autre film, un premier film du passé. Allez, entre les deux, je voulais choisir. Bah, le présent, du coup. Bon, bah, non, c'est vraiment pas le sujet. J'ai dit non. Tes souhaits. Merci. Adrien, toi, un rôle? Moi, n'importe quel rôle. Je prends tout. Là, franchement, là, ça, j'en suis. Moi, je verrais bien Audrey dans un truc à la Tomb Raider ou Xenia la guerrière. Ah, j'aimerais ça. Ça tirait très, très bien. Non, mais en vrai, une méchante, j'aimerais bien te voir. Ouais, moi. Mais une vraie maboule, quoi. Non, mais en vrai, un peu. Folle. C'est une sorcière. Misery, quoi, tu vois. Ouais. La maboule. Ouais, là, oui. Bah, on fait ça tout on ça va dans l'écrire. Le futur du passé du futur. Ouais, c'est ça. Ça se fait en POV. Ouais. Bah du coup, on me verrait pas. Aïe aïe aïe. Ouais, non, c'est dommage. Ça c'est quoi POV, non, oui, et tu serais un singe. Oui, toi, il y a quelque chose de très très physique même dans moi, j'ai pas vu encore Challenger, mais dans la balance, on sent que c'est tu rentres dans l'art un petit peu. Ouais. C'est une femme qui a de la poignée. Bah oui. Et c'est ça qui est chouette avec Audrey. On la connaît. J'ai dirigé dans une pub granola, alors si tu savais. Ah bah ma tu première, vois. C'est le jour où je rencontre Florent Bernard. Via Baptiste Norbert, j'étais pas tout seul à la Réal, mais on avait fait une pub granola avec Audrey. Je veux voir ça. Ah bah elle a disparu du web. Ah ouais, c'est vrai ouais. Ah mais Godel Moustache, c'est le bordel. C'est des fois t'as des sketchs qui sautent, qui reviennent, qui machin. Mais cette pub elle n'existe plus, je voulais la récupérer. Des trucs qu'ils revendent à des obscures plateformes que personne regarde et du coup c'est plus sur YouTube. Ouais, non, il y a des trucs qui se passent, on sait pas où ça va. D'accord. Mais non, non, cette pub a disparu. Ok, je suis un peu triste. Ouais. Ok. Bon. Ah, attends, c'était pas non plus. Attention. Bah, ouais. C'est un souvenir. Excusez-moi, j'adore les souvenirs, moi. Mais oui, c'est la dernière fois. C'est vrai que tu peux lâcher la gourde avant. Oui, on va la retrouver. On va la retrouver, la pub. Alban, toi ? Bah en ce moment je suis délire Moyen-Âge là. J'aime beaucoup mon personnage dans La Petite Histoire de France, François d'Arc. Ah mais c'est vrai qu'on a ça en commun aussi. Ouais, t'étais bien. Vous êtes dans deux époques par contre. Toi, oui, je suis gaulois. T'es pas dans la même époque. T'es un gaulois de la... Je suis un gaulois. Gaulois de la télé. Et bah en ce moment ouais je suis là-dessus. Je sais pas, ça me plaît le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ouais. Ouais. Je me dis, il y a un truc, à faire. Mais toi qui t'écris ton spectacle, tu l'as écrit. Oui. Tu l'as écrit. Est-ce que t'as envie de t'écrire un jour un film, un personnage, quelque chose? Ça commence. Envie d'écrire un film, ouais. Ouais. Ça vient là. Au Moyen-Âge. Peut-être. Bah franchement. Et c'était quoi le rôle? Parce que pour Challenger par exemple, toi tu t'es mis à la boxe ou c'est un truc que tu faisais avant? Non, pas du tout. C'est moi j'aime bien souvent ce qu'on me propose. Ça... Enfin, il y a un truc, je suis très croyant karma, rien n'arrive par hasard. Tu vois? Il adore les pierres. Et quand il y a le truc de la boxe, je le prends pour moi faut remettre le sport dans ma vie. Donc c'est le film est une très bonne excuse pour me refaire une santé en vrai de vrai. Ouais. Donc j'y vais 6 mois avant le tournage et ça rate pas, je kiffe et un an et demi après j'y suis encore. Quoi. Mais il veut vraiment combattre maintenant. Arrête, c'est pour rigoler. Ouais, quel mytho. Ça c'est pas oui, très bien, merci que tu le prennes comme ça, mais au départ c'était pas pour rigoler. Au début c'était pas pour rigoler. Ouais, voilà. On sent que vous êtes battu dans la rue. Malheureusement, c'est un truc un peu sous-jacent. Non, c'est pas fini, on sait pas. On sait pas. Tu vois. Non, je t'ai dit, Marion Cotillard après la môme, elle a pas chanté. Oui, hein, Non, mais je vais m'arrêter à temps. Mais en tout cas. Ça fait partie des rôles que t'as le plus. C'était quoi le rôle le plus dur que t'as eu, tu trouves, dans ta filmographie? Non, c'est celui-là, là. Ouais. C'est celui-là où je suis le plus investi physiquement. Ouais. Non, sinon, je dis pas que les autres, je dormais sur mes lauriers, mais. Faire le con quand t'as fait ça pendant 20 piges, finalement, c'est un best-of de ce que t'as. Travailler. Ouais. Donc là, c'était vraiment le plus gros. Et puis gros en effort. Plus, en vrai, il y a un moment donné, il y a un combat final dans le film. C'est pas à trahir le film que de le dire. Et ce combat-là, on le tourne sur une semaine. Et en vrai, là, pour toi, il y a certes du jeu et de la comédie dans le jeu, mais t'as surtout de la boxe. Donc en vrai, t'as eu une semaine de tournage du matin jusqu'au soir à enchaîner sur un ring avec Jonas Dinal face, qui est extraordinaire aussi. À faire que de la boxe et en vrai dans un contexte où c'est du fractionné ce que vous étiez en train de faire d'un seul coup ils étaient en nage après coupé et puis ils t'y retournent donc c'était hyper physique et là t'avais pas d'espace pour la comédie blague entre nous il y avait 2-3 paix ouais, ouais, ça m'a pas lousé pendant le match c'est la question que je pose mais non mais il y a pas un moment où il pète pas donc de toute façon D'ailleurs, je suis assez étonné. Il y en a pas eu que j'ai entendu en tout cas. Non, il peut arriver. Ah, ça peut arriver plus tard. C'est comme j'ai déjà chié dans l'eau, donc. je vais pas leur rajouter. Je vais me tenir quand même. Je comprends. Et puis il y a une certaine loyauté parce que vous deux, c'est pas la première fois que vous travaillez avec Varante. Toi, c'est carrément le 4e film. T'as fait tous ces films en fait, Alban. Tous les films de Varante. Ça fait quoi quand c'est le 4e? Vous avez un peu. Est-ce que vous avez un peu une routine ou au contraire vous essayez de vous surprendre? Non, pas du tout. On est même si on est copains, en vrai, c'est vraiment c'est un travail d'équipe. C'est que il m'apporte ce que j'ai besoin et j'essaie de lui apporter ce qu'il a besoin. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Et après, c'est au-delà du cinéma. C'est l'histoire qu'on raconte. De vie. Moi, ce que j'aime avec Varante, c'est comme toi avec Audrey. On s'est rencontrés sur une pub Nivea, quoi. Ouais. Tu vois, il y a qui est encore disponible sur YouTube. Ouais, je crois qu'il y a encore. Il y a encore les petits épisodes. Ouais. Mais moi, c'est ça qui me fait halluciner. On est aujourd'hui à notre 4e long métrage ensemble, mais on sait d'où ça part. Ça part d'une web série sur YouTube. Donc, j'aime l'histoire qu'on raconte. Et c'est vrai qu'après, quand tu te connais, t'es plus efficace sur un tournage. Et je pense qu'avec Audrey aussi sur Challenger, le fait d'avoir fait déjà un film avant, même on se voit pas, on se connaît. Donc t'arrives, t'es pas dans la découverte de est-ce que je peux. Enfin, il y a moins de politesse en quelque sorte. C'est ça, tu prends moins de pincettes. Enfin, tu connais tellement l'autre que tu sais où est-ce c'est que ça, tu mets les pincettes. On se connaît, donc on peut être efficace tout de suite. Et ça, c'est vrai que ça paye à l'image. Ça paye. Ouais. T'as pas peur de l'autre en quelque sorte. C'est ça, tu vois. Audrey, tu avais fait aussi La Traversée avec Varante, qui était vénère comme tournage, parce que vous étiez sur un bateau en fait tout le long. Ouais. Plus en expérience, truc challenger, c'était plus simple entre guillemets. C'est pas un truc de simple ou de dur, parce que c'est un, les rôles sont très différents aussi, parce que ouais, rien à voir entre les deux. Pourtant, mais mon personnage porte le même prénom. Mais il y a le côté bateau qui était extraordinaire de pouvoir vivre ça. Moi, c'était vraiment mon premier film en, avec un personnage important. Et ouais. Là, tu pars, t'es à Marseille, t'es sur un bateau, tu rencontres bah, déjà bon Varante avec qui on avait déjà fait une série, mais là vraiment en tant que réal et avec sa comédienne voilà je rencontre Alban, enfin tu sais d'un seul coup il y a un t'as l'impression d'avoir step up à un endroit et le cadre était fou. Maintenant en tant que comédienne pure, ouais. J'ai tellement appris grâce au fait de faire, ouais. Tu vois genre dans la traversée je me dis ok il va falloir que tu sois à un moment l'actrice que tu as envie de que tu rêves de devenir. Bien sûr. Et ça c'est ça fait très peur parfois d'être qui on est tu vois bon voilà développement personnel. Bien sûr, alors sûr. Qu'avec une petite tourmaline dans la poche. Un peu de sauge dans la pièce. Voilà. Dans les oreilles comme du parfum. Bien sûr. Et en fait, là sur Challenger, la grande chance, et je le dis même s'il est là, de jouer avec Alban, c'est que c'est quelqu'un qui me met tellement en confiance, qui est tellement généreux. En fait, je sais que je peux oser des trucs avec lui, il va pas me juger, même si à un moment donné, je vais pas être drôle sur un truc. Et c'est pas enfin tu vois on est ensemble on essaye, c'est aussi ça qui est chouette sur un tournage mais c'est surtout de cette espèce de générosité à jouer. C'est un énorme privilège pour moi que de jouer avec Varante qui est déjà qui me propose le rôle qui aussi coécrit, enfin c'est vraiment son film aussi exactement. Donc derrière la caméra je sais qu'il y a quelqu'un en qui j'ai confiance et avec moi en partenaire j'ai quelqu'un en qui au-delà de j'ai confiance et en plus que j'estime tu vois donc du coup je crois que j'ai quand même préféré Challenger dans le sens où je commence à être, en tout cas je l'espère, l'actrice que je rêve d'être. Trop tu bien. Vois ouais. Trop bien. Mais je pense que tu étais plus libre aussi sur Challenger ouais. Parce que sur la traversée on avait les jeunes aussi avec ouais, dans un tout petit espace. Ouais, ouais. Et au-delà du travail d'acteur, il y avait cette dimension-là aussi. On était dans un rôle de grand frère et grande sœur avec, ouais, avec les sûr. Jeunes. Bien sûr. Parce que bah, y a nous, on doit faire notre travail, mais eux aussi, on voulait les mettre bien pour qu'ils soient bien. Ouais. Enfin, humainement, j'ai trouvé que Challenger, c'était plus facile à tourner parce qu'on avait que ouais. à s'occuper de nous. Ouais. Et donc, on était dans un vrai ping-pong de se tirer vers le haut. Et la traversée, c'était plus difficile parce qu'il y avait quand même cette part-là de s'occuper aussi. Des jeunes, mais il y a un truc, c'est naturel, hein, c'était au-delà de nous, c'était, t'as affaire à des enfants et tu ouais. veux les mettre bien. Bien sûr. Tu voulais qu'ils aient confiance en eux, qu'ils soient. Puis nous ont, il y a eu plein de moments magnifiques où tu les regardes jouer et tu dis, waouh, c'est beau la jeunesse. Un néo-nazi. Ah, et alors, mort, voilà, me revoir dans mon élément, mon obsession pour le racisme. Et mort cette semaine, donc une nouvelle finalement assez récente. Ah, je sais, ironique. Je l'ai vu. Il a tout vu ce mec-là. Bah, je suis obsédé par le racisme. En fait, je vous explique, c'est que ça a été une des critiques du Floodcast. Quelqu'un a dit super podcast, le meilleur et tout, malgré l'obsession d'Adrien pour le racisme. Qu'est-il arrivé à ce néo-nazi pour qu'il perde la vie comme ça? C'est ce qui l'a fait mourir. Ouais, c'est genre un peu ironique. Genre la raison de sa mort, c'est... C'est un truc un peu marrant. Alors vu ça que c'est va un être avec un autre néo-nazi. Alors ah, non. Il y a un nazi quelque part. Ouais. Genre ouais. Il regarde Hitler et il se dit ah, je l'aime tellement et crise cardiaque. Alors non mais t'es pas si loin. Bah, c'est Hitler déjà. Il y a un c'est rapport lié avec Hitler. Hitler. Ok. Ouais. Un Mac. Non. Il s'est tué comme lui. Alors non, il s'est pas tué comme lui. Lui c'est un accident. Vous le dire. Ah, il regardait le pistolet d'Hitler. Genre, il faisait. Regardez, c'est Hitler, il a fait. Non, ah oui, parce non. Il s'est pas tué comme lui, mais il s'est tué en faisant une activité d'Hitler. Que faisait Hitler. Ah ouais. Très bien, c'est très bien. Tu sais ce qu'il faisait avec les ping-pong. C'est vrai que les gens le disent peu, mais il était fou de ping-pong. C'est un des chapitres de Mein Kampf où il dit. Bon, par contre, le ping-pong. Il peignait. Non, alors, il peignait pas. Oui, mais c'était pas. Avec pas un ça. Pinceau. Oh. Il a pété sur son pinceau. Ouais. Non, il s'est rentré dans le cul. Bah, c'est chelou de faire ça, vrai. Mais c'est pour ça qu'Hitler n'a pas été pris à l'école. Il se mettait des pinceaux dans le cul. On lui disait, mais enfin, Adolphe. Arrête tes bêtises. Alors qu'en plus, à ce coup, il peignait super bien avec son cul. On sait pas, peut-être. C'est possible. Un sport, un truc. Alors on s'approche. Oui, une activité sportive. Qu'est-ce qu'il aimait bien faire, Hitler? Ah bah, c'est plutôt une bonne chose que vous ne sachiez pas. Ouais, voilà dit, voilà. Mais c'est... Ça serait très bizarre, vous disiez Hitler. Bah, c'est simple, il adorait le canoë kayak. Ouais, bah oui. C'est assez banal. C'est assez banal. Des photos que j'ai de ma grand-mère avec lui sur un bateau. Oh, ouais. Il adorait ça. Du golf. Non, pas le golf. Plus banal, plus. Foot. Non. Course à pied. Le tennis. On s'approche. La marche rapide. On s'approche. La rando. La marche. Très bonne réponse. Alors, c'est ça, mais je vais vous dire pourquoi il est mort comme. Enfin, c'est lié à Hitler, je vais vous donner la réponse. C'est très difficile à trouver. Je peux le dire. Vas-y, je t'en prie. Je peux me permettre. Il est allé. Permettez-vous. Il s'est dit, je vais aller faire une rando dans la montagne préférée d'Hitler. Ah. Et il est tombé, il est mort. Moi, j'invite tous les néo-nazis à rendre hommage à Hitler, à aller faire une rando. Allez à cette montagne. Allez-y. Si vous l'aimez vraiment, Hitler. Allez-y. Un néo-nazi qui n'avait pas l'esprit Kaizen. Non, pas du tout dans un mode shonen. Un homme de 37 ans, de la région de Munich, membre d'une section régionale du parti néo-nazi, donc un vrai de vrai, pas juste un gros raciste. Vraiment, il était à fond. Est mort après une chute au cours d'une randonnée dans les Alpes bavaroises sur la montagne Unsterberg, qui avait la réputation d'être le massif préféré d'Adolf Hitler. Ouais. Alors, en ce moment à la télé, sur la chaîne C-Star, un programme cartonne depuis la rentrée, alors que la chaîne avait prévu de le supprimer avant l'été. À votre avis, de quoi on parle? Ça, j'ai pas vu, je crois. Programme cartonne. C'est cartonne. Télé-réalité. Pas de télé-réalité. Un vieux, genre, c'est mon choix. Une vieille rediff de quelque chose? Non, pas c'est mon choix. Est-ce qu'on est sur de la fiction déjà? On est sur de la fiction. Très bonne question d'Adrien Méniel. Une série, ouais, à l'ancienne. Pas une série à l'ancienne. Une nouvelle série. Une série. T'as demandé si c'était une non, série. Non, t'as dit à l'ancienne. Non, j'ai dit non. Il a dit non à tout. J'ai dit non à tout. Okay. C'est des rediffusions. C'est des rediffusions. Ah très. C'est pas de l'original. D'accord. Donc pas dessin animé. Émission télé. Pas émission télé. C'est de la fiction. South Park. Pas South Park. Bah t'as dit c'est pas un dessin animé. C'est pas un dessin animé. Ok. Mais attends. C'est un truc qui est. C'est un programme récurrent qui diffuse. C'est un rendez-vous. Mais c'est de la fiction. Voilà. Waouh, là, je suis. C'est bizarre. C'est pas une série. C'est une fiction, mais c'est pas une série. Non, mais vous verrez la réponse. Bien sûr. Non, mais je dis Audrey, parce qu'Audrey me. Est-ce qu'on peut brainstorm encore? Elle me fusille du regard. C'est Marc Lavoine, elle a les yeux ouverts. Du téléfilm? Alors, c'est un peu des téléfilms. C'est. Alors, je sais pas, il y a du français, mais c'est pas toujours français. Undo Stress? Pas Undo Stress. Non, mais attends. Bah, c'est une série. Non, c'est pas une série. C'est pas un documentaire. C'est pas du documentaire. Ah ouais, c'est une saga, c'est une saga de films. Pas vraiment. Non, pas une saga. Attends, c'est un film coupé en petits morceaux? Non. Un truc ambiance vidéo gag? Alors non. Ah. Vidéo gag, ça me. C'était bien. Bernard Montiel a été remplacé par TikTok. Non, vraiment, un peu. T'as dit non. Je voyais Bernard Montiel. Je crois qu'il est animateur sur Chéri FM maintenant, en vrai. Il est producteur, je crois, maintenant. J'ai l'impression. Maintenant, il est partout. Il est toujours quelque part, Bernard Montiel. Il produit TPMP, je crois. Non. Non, mais il est chroniqueur. Ah, c'est chroniqueur. Ah ouais. Ouais. Ah, parce que sa bio Insta que j'ai regardé récemment. Non, mais en gros. Des petites insomnies en ce moment, Adrien. Non, mais je l'ai vu en fait dans les posts hommage à Michel Blanc. Ouais, oui, j'ai vu Bernard Montiel dans les commentaires. Donc je me suis posé la question. Qu'est-ce qui devient? Et il ouais. y avait marqué producteur, nana, et en dessous il y avait marqué TPMP. Mais il est chroniqueur. Je pensais qu'il était d'accord, ok, très bien. Et il y a écrit sur son bio de Instagram, seul compte officiel. Donc allez, oui, pas ça, c'est le seul, d'accord? Voilà. Ouais, ouais, ouais, si vous recevez des messages d'arnaque, ouais, via c'est pas un moi. Autre compte, j'ai c'est besoin pas d'argent pour relancer Vidéo Gag. Non, c'est faux. Bon alors attends, c'est pas une série, c'est pas un dessin animé, mais c'est quelque chose qui est récurrent. Ça existait quand on était jeune déjà. Culture pub? Pas culture pub, mais on n'est pas. Enfin, est-ce que c'est un truc de compilation un peu? Pas une compilation. Je peux pas te dire pourquoi culture pub tu t'approchais, mais je tu me t'approchais. Dis si les gens sont dans leur voiture et long, ils doivent nous détester là qu'on n'arrive pas à trouver. Ils doivent crier dans leur voiture. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie. Dire maniez-vous le cul. Ouais. Attends, il faut donner des indices. Donc c'est pas une série, mais c'est quelque chose qui vient. Je vais vous dire, c'est des films. C'est des films. Poser cette question. C'est des films. C'est des films. Mais c'est un rendez-vous cinéma. Et c'est comme une saga? Pas une saga. Les films n'ont rien à voir entre eux. Non. Et ils des pornos, des pornos. Emmanuel. C'est des pornos. C'est du porno. Le vous cul. Avez l'esprit trop sain. Bah non, mais moi je suis. Mais non, mais il y a pas de porno sur ces stars. Eh bah. Alors c'est pas du porno, c'est érotique. Star, c'est du érotique. Ah, oui, voilà. Porno à 22h. Bah c'est star. Je vois un Allemand pointilleux sur les termes. Attention. Et les horaires. Les scénarios sont pas les mêmes. On s'est tous fait avoir à se retrouver devant un film érotique. En disant il est long, ça. Mais il se parle pas. Ah, ouais. Donc c'est tous les soirs un petit. Alors pas tous les soirs, c'est le dimanche soir. Ils reprennent c'est pour ça quand tu disais culture pub. C'était un peu cette heure de quand on était jeunes. D'accord. Avant des films érotiques d'M6. Effectivement, entre minuit 30 et 1h30 sur la chaîne C-Star à 7h, 113 000 téléspectateurs sont en moyenne devant le film érotique du soir. C'est beaucoup. 5% de part d'audience. Et oui, faisant de C-Star la 6ème chaîne nationale sur cette case. C'est un peu mignon qu'ils découvrent encore que le cul marche, quoi. Ouais. Là, ils ont dit non, mais ça marchera pas le cul. Oh putain, 113 000. Bah, bien sûr, évidemment. Mais c'est surtout marrant de se refaire avec ça. Il n'y a aucune idée originale. Vous êtes à plat depuis 20 ans. Et ils se sont dit si on mettait de la rondelle. Putain, regarde, on est dans le top 10. C'est génial. J'adore la télé. Intéressée. Je pense qu'il y a plus de femmes qu'avant qui regardent. Ah, tu penses? Je voudrais avoir les chiffres exacts. Je vais pas pouvoir t'aider. Ouais. Je peux te donner les titres. Ça a l'air d'être plutôt pour les hommes quand même. Puisque c'est. Alors, il y a Pouvoir Sensuel, mais sinon, il y a Hôtesse Libertine ou Les filles de l'ambassadeur. Oh, c'est drôle. C'est vraiment. Pour rocher, c'est charme, ça, pour moi, les filles d'ambassadeur. Alors, les filles d'ambassadeur, je vous offre le synopsis quand même. Un ambassadeur aux mœurs légères n'hésite pas à recruter de jeunes filles dégagées de toute contrainte familiale et prêtes à tout. Bah quoi? Bah c'est horrible. Abus de pouvoir et en plus pas de famille exprès. Excuse-nous le woke. Excuse-nous. Il peut ainsi les former pour les transformer en espionnes. Et là t'as un coup, hop là, Jason Bourne. Okay, eh oui, un espionne capable. Grâce à leur charme. Bien oui, sûr. Mais d'accord. Mais attends, c'est passé ça ou c'est le prochain? Non, ça c'est ce qui était, envie de regarder. C'est celui qui était hier. Ah merde. Non, il était en replay. Attention, ça se regarde maintenant, c'est quand même pas mal. Et voilà, effectivement, c'est l'occasion pour les femmes aux talents multiples d'assouvir leurs fantasmes les plus fous. Voilà, non, mais un petit signe. Ah, non, les filles peuvent adorer ce genre de truc. Bah, si c'est elles qui assouvissent leurs fantasmes, alors je retiens. Pas de problème. Non, mais si, c'est de l'empowerment pour moi. Bah, oui. Pas de problème. On connaît tes engagements, Adrien. Je te remercie, tu le sais. Non, mais attends, attends, il veut pas sa médaille, attention. Non, mais parce qu'il est comme ça, c'est encore pire parce que t'es là. Arrête un peu. Vegan, féministe. Calme-toi. Non, mais je veux pas. Après, attention, il poignarde des gosses. Ah, oui, oui. Eh oui, en mettant un peu de bonnes mains. Ouais, mais il déteste le racisme. Il dit Nick Talope. Il avait dit ça. Je connaissais pas le mot à l'époque. J'ai regretté. Surtout, personne n'est parfait. Ouais, voilà, pardon. On peut faire une erreur. C'était quoi les programmes télé de votre enfance, vous? Bah, Madame et Servie, moi. Ouais. Bah, je moi aussi, dit Madame et Servie. Tu te diras pas. Je rigole, c'est une blague. Ça me ferait rire. Madame et Servie. Tu regardais, toi? Pas trop. Madame et Servie, tout moi, ça t'as pas. Moi, c'était le rendez-vous familial. C'est le seul truc qu'on regardait tous ensemble. Quelle heure, Madame et Servie? Est-ce que tu regardais pour moi, c'est 6 le dimanche minutes soir, moi. Tous les soirs. C'était tous les soirs. Est-ce que tu regardais tous les soirs, Madame vous et Servie? Vous les embrouillez pas, c'est trop soir. Je pense que non. Si. Bah, alors là, après, on n'a pas on le demande même la âge aussi. Bah, quasi. Bon, pas loin. Bon, écoute, je vais quoi? Je suis un peu plus vieux. Moi, j'ai l'impression que c'était tous les dimanches. Tu regardais le 6 minutes. Je confonds avec Bénil. Tu regardais le 6 minutes avant ou pas? Ah oui. Voilà, oui. C'était l'enchaînement 6 minutes et après Madame et Servie. 6 minutes, c'était le programme en 6 minutes, c'est ça les infos. C'était les infos, c'était l'ancien 1945. Oui. On dirait l'impro de Courte Manche. C'était lui qui faisait. Il l'a replacé. Toi, tu regardais rien? Si, si, Starsky Hutch, Alerte à Malibu, Club Donc Dorothée. Donc très série week-end. Ouais, ouais, très c'était... C'est un carré, ce mec. Il n'y a pas d'émission. K2000. Ouais, tu regardais pas d'émission. Quand tu entends, MacGyver. MacGyver, ouais. S'il te plaît, quand même. C'est une émission, je me rappelle, c'était quoi, de Chavannes, Coucou, c'est nous. Ah oui, d'accord, les trucs comme ça. Ciel, mon mardi. Ciel, mon mardi. Demain à la Une. Demain ah oui. C'est quoi demain à la Une? Il reçoit le journal du lendemain et donc il essaye de sauver très les bon gens concept. Et génial, tout. Hein. Ouais, c'était super bien ça. Ouais. Franchement. Et pas on devrait faire un reboot de cette série. Oui, c'est vrai. Je crois que j'aimais bien C'est mon choix. Ah. Ça c'était tous les midis. Pour moi, j'ai des souvenirs de. Ouais, mais tu vois là, ouais, t'es c'est dans bizarre. Un truc, fin de déj. C'est trop récent ouais. Là. Ouais. C'est vrai. Déj, c'était le juste prix. Ouais, c'est vrai. Juste prix. Le millionnaire, même moi j'ai connu un peu de millionnaire. Les îles de la tentation, les premières saisons. Ah oui. On peut revenir là-dessus. Toi, tu regardais le millionnaire. Moi, dans ma famille, il y avait un peu. Le tirage au sort, le truc, la roue. Mais qui regarde ça? Bah, les pauvres. Il y avait un peu une fascination de. Quand il y a beaucoup d'art. Le juste prix, voilà. Ça, c'était génial. Moi, mon truc préféré, c'était la tyrolienne, là. Bien sûr. Parce que c'est la gueule à la fin. Évidemment. Ouais, mais c'était un jeu, un peu. Tu vois, le juste prix, il y avait un peu de challenge. Vous savez quoi, j'ai un jeu juste prix. Oh putain. Alban Ivanov. Oui. Quand on tape ton nom sur Vinted, il y a un gars. Il y a un gars. Quoi? Je te jure. Qui vend un coffret DVD de La Petite Histoire de France. Dédicacé. Oh. À votre avis, combien? Putain, à ton avis, combien pas, il le vend? Dédicacé d'Alban. Dédicacé et que d'Alban. Que Alban. 200 balles. Plus. Tu mais vaux, no tu vaux plus cher, Alban. Oh, wow. Enfin, tu vaux en tout cas le vent. Attends, c'est ce que j'allais dire. C'est pas vendu. Il est là depuis 4 ans, le coup. Ouais. Il était à 800 balles, il y a 4 ans. Ça va pas partir. Tu te rappelles d'avoir signé ça? Tu dois en signer de temps en temps, quand même. Oui, ça, c'est possible. Je sais pas, 300 balles. 300 balles. Ah ouais. 300 euros. Putain, ouais. Pour la blague, je voulais te l'acheter, mais à 300 balles. Non. La blague est chez Ross. La blague est chez Ross. Fort Boyard, Audrey. Rappelons qu'Audrey a fait Fort Boyard. C'est Fort vrai. Et en vrai, tu l'avais bien vécu. J'ai, même, j'ai dit, j'aurais adoré le faire. Alors pas comme ça, mais avec vous. J'aurais adoré qu'on le t'as fasse. T'as fait aussi Fort Boyard? Non. Ah non, t'as fait. Non, t'as refusé. Ouais. Ah. C'est vrai. Bah ouais. J'aime pourquoi pas. Bah, ça aurait été le Fort Boyard de l'époque, je serais allé grand plaisir, mais là, la nouvelle formule, elle me plaît pas. Ouais. C'est pas quoi pas. T'aimes pas quoi c'est pas, c'est pas marrant, c'est, ouais. Pas, c'est, ouais. Pas, c'est pas dingo. Il y a la gaffe qui vole, enfin tu vois. Il y a la gaffe qui vole. Pas eu la gaffe, non, moi j'ai pas eu la gaffe. Non, toi t'as eu Winnie Revelli qui mange des trucs. L'enfer. Voilà, ça c'était un peu déjà, bah tu comprends. Tu m'avais raconté. Non, mais il y a méga gaffe maintenant, c'est Vincent. Il y avait Lalanne, ils l'ont enlevé, Lalanne, je crois. Moi il était pas là. Oui, Francis Lalanne. Vu après les législatives, ils sont le complotiste du fort, ils ont fait. Oui, non, mais c'est un bon délire. Non mais oui, mais il y a attends, il y a des nouveaux trucs. Bah, il y a pas genre Cyril Ferraud. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est devenu Avengers. Oui, mais ça c'est les. C'est ça. Ils ont étendu le truc. Ouais, il y avait même un truc encore plus bizarre là. Cela dit, s'ils commencent à faire des crossovers comme Multiverse, genre il y a Bill du Big Deal dans le fort et tout, attention. Oh là, ça peut commencer à quelque chose. Mais ça devait pas revenir d'ailleurs le Big Deal. C'est en train de revenir. Ça revient, André. Là, c'est ouais, en train de revenir. Si, j'ai vu la gaffe qui disait ça. Chers amis, c'est bientôt la fin non. De cette émission. Et oui, et avant de se quitter, on fait. C'est ça que j'étais pas du tout prévenu. Attendez, j'ai un cadeau. Oh là, je vais maintenant pour mon cadeau. J'ai un cadeau pour chacun de vous. Alors, la galère. Chacun, même Alban. Oui, wow. Oui, monde, attends, moi aussi j'ai droit à un cadeau. Cadeau. Ah, des cornichons. Mais attends, mais tu peux pas. Attendez, tu sais que, ce sont tu sais des... que c'est ma passion du moment. Arrête. C'est des cornichons. Ce sont des pickles de courgettes. Ah, pardon, des pickles de courgettes. Oh. De mon jardin. Elle est adorable celle-là. C'est parce qu'elle veut s'en débarrasser. C'est... Oui. C'est vraiment alors, une pourriture. Donc, ce sont des pickles de courgettes de mon jardin. Tout est fait maison, comme vous pouvez le. Il y a pas un petit peu de curry là-dedans. Le constater. Il y a un peu de curry. Tu manges pas de curry? Si si, mais non, je y a repère un peu la de couleur. Curry, bien non, mais sûr, je y a repère. Un peu non, de curry. Ça a l'air bon. Je suis un pickleman. Je suis un pickleman. C'est pour ça que je suis content. Je me suis acheté des radis Tycoon hier là pour faire des pickles. Et ben la prochaine fois tu pourras. Bon, putain, on s'en reparle après. On se retrouve à la porte. Merde, je suis pas vous le fric. On va faire une émission de cuisine. Ça pickles ou quoi? J'espère que je serai invité. Hein. Ah, bah, ouais. Oh, le parrain de l'émission. Alors, des petites graines de poivre, on seule, les voit. Seule chose. C'est voilà. Périmé. J'ai pissé dedans. Je ne peux pas vous garantir que c'est bon. Parce que, au goût. T'as pas goûté. Au goût, parce que je n'ai pas encore goûté. Non, d'accord. Bien sûr que donc, c'est bon, écoute. Voilà, donc juste si vous êtes malade, ouais. Si ah c'est non, mauvais. Attention. Attendez. Mauvais au goût, c'est pas la même chose. Et comment ça se mange ou toxique? Tu peux les mettre dans un petit sandwich, tu peux les mettre comme ça, les manger comme ça. Je peux manger comme ça. Avec comme ça. Non mais ça va être délicieux, je pense. Moi j'y crois. Moi normalement c'est j'ai bon. J'ai envie d'en manger un maintenant. Tu t'en fais toi dans la vie? Bah c'est moi qui les ai faits. Non, bien sûr, mais c'est tu notre première année. Ah voilà. En fait c'est nos premiers pickles. Ok, bien d'accord. Sûr. Donc là c'est on avance. Peut-être voilà. On va goûter maintenant comme ça au pire. Allez, je sais pas. Non attendez, il y a une journée. Non allez, non, il y a l'avant-première de. Est-ce que eux ils peuvent manger? Depuis que tu les as mis en pot, tu les as pas ouverts j'imagine. Non, je vais pas les ouvrir maintenant du coup. Bah oui. Non c'est parce que comme ils vont être transportés pas dans le froid. Et tout cas, merci Audrey Pirot. C'est, ah, merci c'est génial. Beaucoup. C'est elle vraiment... a sué. Enfin, c'est la sueur de son front là. Que... C'est d'ailleurs la sueur de son front dans le bocal. En plus, hors antenne, tu nous as dit ouais, vous allez vous moquer et tout. Alors que c'est un. Il y a pas meilleur cadeau que bah la ouais, bouffe. C'est en fait. Chouchou. Bah moi, ça me fait bagnole, plaisir. Une bagnole. Beau si, cadeau si. Quand même. Il y a meilleur cadeau que de la bouffe. C'est de la bouffe que t'as fait toi-même. Ah, c'est le meilleur cadeau. Et tout vient. Je l'ai dit, mais je répète. Tout vient dans notre potager. C'est les courgettes de la Maboule. Voilà. C'est une belle marque, ça. Voilà. Ouais. On va faire ça, tes légumes de la Maboule. Et moi, j'adorerais faire ma marque de pickle et sauce piquante. Mais quoi. Tu devrais. Là, je devrais, mais j'ai aucun sens de l'initiative. Mais tu veux quoi c'est fait avec quoi tu les... De quoi tes pickles, tu les fais à base de quoi parce selon que si l'envie. Tu veux, dans concombre, notre potager, on te met un espace pour toi et on te. Ça devient bizarre. Et tu es jardinier. Non, mais. Tu cherches un jardinier. T'entretiens la maison de temps en temps. Quand il a peut-être quelque chose à foutre. On a une cloche quand tu l'entends, tu viens. Mais sinon, oui, bah, je sais pas. Mais tu manges ce que tu veux. Mais non. Non, mais. Ma carrière. À la cloche. Ma carrière est peut-être à 30 à l'heure, tu vois. Mais ça va, hein. J'ai pas besoin de. Mais non, je suis en train de te proposer, si tu cherches un espace pour cultiver, pour avoir tes propres oignons, de t'offrir un bout de terre. Mais tu habites loin en vrai. Là, j'habite à 1h30 de Paris. Mais il y a un logement, il y a un logement. Il y a une dépendance, je pourrais laisser ça gratuit. Mais non, mais ouais, il y a la dépendance, mais tu peux être heureux là-bas. Après, mais nous, on je suis fait... à deux doigts de dire oui. Hein. Bah, en vrai, tu viens, on se passe. Regardez, attendez. Ouais. Vous voyez, c'est on retombe sur l'histoire des vacances. Tu viens à la maison, on vient te chercher à la gare, trop sympa. Là, t'arrives, t'es dans la dépendance. Pour l'instant, après, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, mais... On cultive ton petit coin. Tu choisis dans le. Dans, mais c'est dans... très long à pousser. C'est ça. Moi, je vis chez vous, en fait, c'est ça. Non, le truc. Mais tu rentres et nous, on se... de toute façon, tant que ça pousse, on ça pousse les courgettes. Ah, donc là, c'est je vais vous pas qui les jardiner pour moi, en fait. Non, on les plante ensemble. Putain, on les plante. Faut l'entretenir quand même. Mais ça veut dire quoi, entretenir? Arroser rien, oui, mais c'est rare. C'est la pluie qui arrose, mon pauvre avec Kirk et tous les autres, on n'a plus besoin. Non, et après, et quand c'est la saison de la récolte, là, tu reviens, tu fais ta récolte, tu fais tes pickles et tu repars avec. Pas mal, pas mal. Mais ah, peut-être. Putain, sinon... je t'offre un bon moment et le gars est en train de super, mais je peux peut-être venir sans bosser aussi, non? Genre, non, elle cherche un jardinier. Mais c'est ouais. avec plaisir, mais bon, c'est pour te donner une activité pickles entre pour, les deux. C'est pour t'occuper, ouais, on sait que tu t'ennuies vite, après tu fais le tour du jardin. Y'a pas une version, y'a pas une version, c'est pas un peu pathétique pour moi, c'est ça le problème. Bah, tu rigoles, putain. Non. Non, ah bah non, non, là, tu découvres Adrien Méniel, toi. Non, mais là, voilà. Là, il repart sur les ronchons de sa nuit. Non, non, non. Eh oh, j'ai fait une insomnie. Je sais. Non, mais en beaucoup, tout cas, chers amis. Excellent cadeau. Merci beaucoup, Audrey, pour ce cadeau. Je vais me régaler. Je suis contente. Merci beaucoup. Serre-moi pour... la pince quand même. Allez. Oh, les voilà. Crabes, des homards. C'est l'heure des recommandations culturelles. Donc oui, Alban, je t'ai pas expliqué, mais s'il y a un truc que tu as aimé récemment, que ce soit un film, une série, un spectacle peut-être, peu un importe, film érotique, une série de théâtre, un petit porno, un petit boulard que t'as kiffé. Oui. Voilà, tu le partages avec nous, aux éditeurs. Pas forcément un truc récent d'ailleurs, un truc juste que t'as kiffé récemment. Ouais. On va commencer avec Adrien Méniel. Qu'est-ce que tu as aimé récemment? Moi, c'est un petit truc là. Vas-y, régale-nous. Il y a une chaîne YouTube. Alors je me demande si c'est pas un podcast de base, mais en tout cas bon, c'est des vidéos qui sont assez courtes. Et alors c'est en anglais et le ça s'appelle This Age Great, ça veut dire ça a très bien vieilli. Mmh. Et en gros c'est juste des mecs qui regardent des vieux films. Alors ils font des montages, enfin c'est des passages, oui, oui. Et tout. C'est pas Twitch. Et vraiment pour juste ils commentent le, enfin tu vois, c'est ils prennent des extraits qui maintenant ça. Tu ne pourras plus faire ça en gros, ouais, ouais. Ou pas que, mais un peu ça. Et c'est très marrant, ils font des commentaires sur les films. Genre ils ont fait Police Academy, ils ont fait Over the Top. Et Police Academy, il y a des trucs vraiment abusés bien dedans. Sûr, bien sûr. Je me suis dit, c'était vraiment le film que j'adorais quand j'étais enfant. Hey. Et bon, il y a des trucs où tu vois juste Mahoney qui est le héros. Et pour montrer qu'il est cool, il est adossé comme ça, puis il boit une bière en regardant les meufs se doucher à leur insu, tu vois. Trop cool ce mec. Non, pas du tout. Pas du tout cool en fait. Et donc c'est que des trucs comme ça, et c'est assez marrant, et voilà quoi. C'est ma reco. Trop bien. C'est bonne reco. Audrey Pirot. Miskina. La série de Mela Bédia que j'adore avec Hakim Gemili, enfin bon, avec de toute façon une pléthore d'acteurs Belmondo, qui sont Ali Essan Wheeler, Shane Boutella, incroyable cette actrice aussi. Saison bon, bref, 2 qui vient de sortir. Et je me suis surprise, je le regardais toute seule à rire de bon cœur. Il y a eu des passages où j'ai vraiment ri. La maboule. Ouais. En mangeant ses pickles. Ouais. T'as juste ri devant une série, ce qui est pas non plus. J'ai vraiment ri. T'as dit surprise qui laisse entendre que tu t'attendais à ce que ce soit pas marrant. Non, j'ai fait. J'ai pas fait. Non, il y a beaucoup de séries pas marrantes. J'ai pas fait. J'ai fait. Ah, ouais. Un bon cœur, oui. Ah, des rires. C'est ça. Et il y avait de l'orage à ce moment-là. Voilà. Mais elle élaborait un plan en même temps. Elle venait avec deux trucs en même temps. Ah, cette chouette est morte. Waouh, waouh, Audrey, waouh. Là, j'ai vraiment ri de rire. Ouais, ri de bon voilà. cœur. C'est pas juste un petit rire. Mais bien sûr. Un vrai rire. C'est magnifique. Allez, à toi, mon Bambs. Moi, en ce moment, j'étais passé à travers à l'époque. Je suis à fond dans Les Sopranos. Oh, j'ai recommencé. Oui. Moi, j'avais maté et je me suis remis à regarder là récemment. Putain, j'ai qu'est-ce pas regardé. Que c'est bien. C'est trop bien. Hein. C'est vraiment une putain de série. Série sur la mafia. Sur la mafia, mais ce côté psychologique de la mafia, de voir un grand mafieux chez le psy, c'est génial. Ouais. parce qu'il le vit pas très bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est très très intéressant. Ouais. C'est de montrer la mafia, c'est pas marrant en vrai. Bien sûr. Et là, attends, l'avantage de prendre une série qui est pas récente, ouais, c'est que là, du coup, t'as combien de saisons que tu peux t'enchaîner? Là, je suis à la troisième, je crois qu'il y en a 8. Ah putain, ouais, ça c'est l'avantage. Ouais, bien sûr, c'est le kiff. Et en plus, ça a été validé, ça a passé l'épreuve du temps, donc tu sais que c'est 8 saisons, ou je sais plus combien, mais. Oui, c'est considéré comme une des meilleures séries de la télé. Hein, ouais. Tu sais que personne a dit, ouais, les Sopranos, au bout de la sixième, c'est devenu nul. Vrai. Non, c'est de la, c'est trop bien tout le long. De la frappe, hein, c'est un terme que j'utilise dans la rue. On peut dire de la frappe. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout le scénario, les acteurs, actrices et tout, ça envoie la gomme de fou. Ouais. Ouais. Moi, j'adore. J'apprends en vrai. C'est ça. Tu vois. Bah, je kiffe et en même temps, t'apprends. Tu te dis, putain, ça joue bien quand même. Ah, c'était une époque incroyable pour les séries. C'est vrai qu'il y a un truc. J'ai vu une interview d'un des mecs de South Park qui disait, en fait, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de séries que t'as plus le droit d'avoir un épisode moyen. C'est-à-dire que les gens maintenant, des fois, il y a un épisode moyen, ils font oui, bon, allez, stop. Tu vois, il y a tellement de trucs à mater tout le temps. Et puis même des fois, j'ai l'impression que les gens, je sais même pas s'ils regardent la série ou si c'est pouvoir en parler le lendemain. Non, mais je te jure. C'est ça. Tu vois, et moi, quand on m'en parle trop, en fait, ça me saoule. Tu vois, Game of Thrones aussi, je l'avais fait en décalé. Ouais. Et j'avais kiffé de fou parce que t'es que dans ton délire et tu vois vraiment le travail des mecs. Je suis complètement dans ton équipe. Moi, je pense que même j'ai un poil de snobisme dans mon côté. C'est quand tout le monde dit oh, c'est génial, je fais oui, bah, je verrai plus tard. Ouais. Un tout petit poil. Et toi, t'as reco? Moi, ma reco, alors j'en ai une que j'assume et une que j'assume moins. Je vais commencer par une que j'assume moins. J'ai revu Dieudonné. La chaîne YouTube de Dieudonné. Donc ça, c'est celle que j'assume. Non, j'ai revu Justice Sauvage avec Steven Seagal. Alors tu parles de films qui n'ont pas bien vu. Justice Sauvage. Alors moi, le titre me rien que le titre. Je vous dis la tagline de l'affiche. Il est flic. C'est un sale boulot. Mais il faut bien que quelqu'un se charge de nettoyer la ville. Oh, magnifique. Wow. Ouais, magnifique. C'est une époque, c'est début 90, c'est Steven Seagal à son max. C'est-à-dire que début du film, il y a le méchant pour qu'on te prouve qu'il est méchant. Okay. Il tue un mec au hasard, un mec dans la rue qui lui doit de l'argent. Et juste après, il y a une meuf qui lui fait un tête-à-queue. Il la tue aussi. Et elle lui dit « Eh non, gros lard, fais attention !» Il sort de la voiture et lui tire à bout portant dans le visage. Ça, c'est le méchant. Il est vraiment c'est très, méchant. Très méchant. Ça, c'est vraiment le méchant. Ouais, les gens qui font ça, quand je les vois, je fais « Oh, t'es méchant, toi !» Voilà. Ça, dans en manuel de scénario, on te dit « Ça, c'est pour montrer que c'est le méchant. » Ça, je pars pas en vacances avec ça. Ça, ça me gâche les vacances. Tu m'en un mec qui tire à bout portant dans la tête d'une femme. Ouais. Et au début, Steven Seagal, il arrive, il prend un gars, un macro qui tape sa prostituée. Donc ça, il aime pas Steven Seagal. Il le chope, il le jette dans un pare-brise. L'image se fige, il y a écrit Steven Seagal. Oh, génial. Voilà. Ah, génial. Tu me l'as vendu, Mais Justice Sauvage. 90, c'est magnifique. Justice Sauvage de John Flynn. Et c'est un keuf, c'est ça? Ouais, c'est un keuf. C'est juste un keuf, il voit un gars, il le jette. Au début du film, parce qu'on lui a tué son coéquipier, évidemment. Aikido. Et au début du film, il dit tout ce que j'ai besoin, c'est une bagnole et un badge. Il dit allez, hop là, il lui donne le badge, la bagnole. J'ai très envie de tout regarder. Le fusil à pompe. Ils disent, ah, quand même, il y a un fusil à pompe. Mais du coup, il dit pas qu'il en a besoin, donc ça veut dire qu'il en a. Déjà lui. Dis les armes, non, j'en ai ça. Et moi, Steven Seagal, ce que j'aime bien, c'est que tu comprends pas tous les coups qu'il fait. Tu sais, des fois, ça fait. Ah bah oui, c'est vraiment, tu te demandes. Ouais. Et génial. Il est très violent comme film. C'est de la bonne violence de combat. Steven Seagal. Il y a des machettes dans l'épaule et tout. Voilà. Donc allez, ça, c'est bon pour moi. J'ai adoré. Et dans un truc que j'assume plus, le robot sauvage, un dessin animé DreamWorks. Oui. Alors, tout sauvage. T'as tapé sauvage sur Google. Il a regardé tout ce qu'il y avait avec sauvage. Les fleurs sauvages. Oh putain. Tu sais que le pissenlit c'est bon pour la gorge. Il va pas bien là. Alors, façon de, d'ouvrir ma cinéphilie. Je prends un mot et je regarde tous les films avec ce la mot. Horde sauvage. Très belle technique. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait exprès, mais ouais, le robot sauvage, c'est un dessin animé DreamWorks. C'est vachement beau, c'est très drôle. C'est bon, c'est pour les enfants pas mal, mais honnêtement, moi je suis allé voir. Tout seul à 22h30. T'as pleuré? Comme un malade. Et ouais, j'ai un peu pleuré. Non, c'est assez émouvant. C'est très beau. C'est un très beau dessin animé. Okay. Et non, mais moi, après, en ce moment, c'est. Depuis que je suis papa depuis 2 ans. Ah ouais. C'est horrible à quel point toutes les histoires de près ou de loin où il y a un papa ou une maman, un truc. C'est les larmes à chaque fois. Mais même j'ai vu un film très nul, je dirais pas le titre. Et juste avant, il y a une petite fille qui dit. Mais papa, moi, tu sais, je t'aime. Des larmes pendant 8 minutes. Non, mais le film était nul, je me suis ennuyé 1h40. Ça avance, c'était une cata. Et donc, oui, le robot sauvage, c'est très drôle aussi. Il y a beaucoup de blagues autour de la mort. En fait, c'est un robot qui arrive. C'est hilarant. Mais non, mais ce qui est assez surprenant dans un film pour enfants. Ah ouais, mais il faut leur en parler. C'est-à-dire que c'est un robot qui arrive sur une île où il y a beaucoup d'animaux. Et les animaux, au début, c'est vraiment des animaux. Donc, ils sont très. Open sur le côté, oui, bah on va se faire tuer toutes les 4 secondes parce qu'on a un prédateur. Ouais, okay. Tu vois, il y a des opossums. La maman opossum apprend à ses enfants opossums à faire semblant de mourir. Bien sûr. Et à un moment, maman elle parle et entend. Elle fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a quelqu'un qui dit bah, c'est notre chien vient de se faire manger. Fait, oh, putain. Vraiment, c'est des vannes comme ça. Ouais, quoi, c'est très marrant. Ouais, sympa. Et en même temps, c'est très joli. Et c'est réalisé par le mec qui a fait Lilo et Stitch, donc voilà, qui sait plutôt faire des films pour enfants. Oui, ouais, c'est ouais, pas ouais. mal. Ouais, ouais. Non, bah attention. Il a de la bouteille. Attention. C'est pas n'importe qui. Ça me... Non, mais tu. C'est beau, c'est beau. Non, non, super film, franchement, allez-y. Des robots et des animaux, moi je. Ça m'a donné envie. C'est un très bon film, ça dure 1h34, 1h35, donc voilà. Rien, c'est court en plus. Justice sauvage, pareil, 1h32. Oh là là. On en parle plus. Il faut d'abord regarder les deux. Regarde les deux. Tu vas au cinéma voir Robot Sauvage, tu rentres chez toi, tu te fais l'autre. Alors je le conseille plutôt dans l'autre sens, mais oui. Ah oui, ah, il est au cinéma en ce moment là, Robot Sauvage. Robot Sauvage, c'est au Cinoche. D'accord. C'est au Cinoche. Alors vous allez voir Challenger, évidemment. Mais Robot Sauvage, il est sorti depuis quelques semaines de toute façon. Mm-hmm. Mais voilà, chers amis, c'est la fin de cette émission. On est un peu en retard, désolé Alban, je sais que t'as un rendez-vous, mais. Oui, bah, c'est la vie. Hein. Et non, mais c'est. Non, mais j'aime pas être bien avec c'est vous. Tellement c'est les Pickles qui nous l'ont foutu c'est dedans. C'était pas prévu. Ouais, désolé. Non, mais ça valait le coup. Challenger, ça sort ce mercredi au cinéma, un film de Varant Soudjian, une comédie, ouais, on peut le dire, donc voilà. On peut dire ça. Il y a du rire, il y a de la physicalité, je le sens, j'ai pas vu le film, je suis désolé, il y a de la bagarre. Il y a des bons pifs, j'imagine, j'espère. Non, mais j'ai hâte que vous le voyez. Mais j'ai hâte de voir, moi j'avais adoré, c'est Inséparable, pardon. Inséparable, ouais. Irréversible, c'est Irréversible pas, aussi. C'est Vincent Cassel. Ouais, c'est pas le même. Je confonds toujours, c'est pas moi, c'est Vincent Cassel. Ouais, bonne ambiance, c'est pas marrant, c'est pas marrant les bons pifs. Non, mais ça a l'air, en tout cas, moi j'ai vu l'annonce et tout, ça a l'air d'être une comédie, en plus avec des codes. Alors à l'américaine ça veut toujours tout et rien dire, mais ça a l'air très généreux en vanne, en gag, ouais. Et en même temps il y a une histoire. Et on sérieux sent que c'est sur la boxe de... parce qu'il c'est est ça. Incroyable dans son rôle de boxeur. Et j'ai lu des interviews de Varant qui a l'air fan de Rocky, de choses comme ça. C'est ouais. vraiment une envie de faire un film sur ouais, la boxe ouais, à la française. Bien. C'est ça, totalement à assumer. Et c'est de montrer qu'on est capable aussi de faire des très belles choses en France. C'est ça. Voilà. Les avant-premières se passent bien. Super bien. Franchement, trop bien, c'est donc c'est complet tout le temps partout. C'est génial. Ouais, on est très content. Donc si vous voulez vous marrer, Challenger en salle avec Alban Ivanov, Audrey Pirot et tous les gens qu'on a cités évidemment. Ton spectacle toujours aussi Alban. Ouais, je reprends en décembre là, je repars en tournée en décembre. Non, mais il y a pas prévu de faire d'autres dates à Paris. Tu fais l'Olympia. Non, là je fais l'Olympia et après je clôture ce spectacle là. Très bien, qui s'appelle Vedette. Vedette. Voilà, que tu joues un peu partout en France encore et tu as quelques dates encore là. J'ai encore quelques dates là. Mais elles sont complètes les dates ou il y a bon, voilà. Allez, on peut pas parler. Il va pas s'excuser d'être populaire, merde. Tout est dans le titre. Et c'est pas foutu de votre gueule. Voilà. Adrien, la bonne auberge au Grand Rex. Au Grand Rex, ça c'est tellement cool. Ouais, ouais. Voilà, et puis ça, il y a le, j'écris sur Hot Ones maintenant. Il y a le, c'est vrai. L'épisode avec Gilles Lelouch qui est le premier épisode sur lequel j'ai écrit. Ah, trop bien. Qui est les shows de Corben Dallas dans le cinquième élément. Le oui, Lelouch. Voilà. Et j'ai insisté pour qu'il y ait une référence à Jean-Pierre Bacri. J'ai mis ma patte du coup oui, tout de bah, suite. Pas mal. Ouais, bravo. Ouais. Non, voilà. Et trop bien. Voilà. Et donc voilà. Et puis sinon, bah ça écrit en ce moment. Donc on a. T'écris quoi? T'écris quoi? Moi, bah, je peux pas le dire à l'antenne. Ouais, ça bosse. Ça bosse. Sur Feuilleman. Ah oui. C'est vrai. Il écrit sur Feuilleman. Il écrit sur Feuilleman. Ah, ok. Ouais, on en parlera en antenne. Ah ouais. Et toi? Moi, j'écris aussi de mon côté. Bah, tu sais, moi, j'écris quoi? T'écris quoi? Écrivez un rôle pour Audrey Perrault. Hein. Arrêtez de faire les bâtards, les deux. Hein. Ouais. Je suis là, j'ai noté. Hein. Les deux, vous êtes en train d'écrire des projets. S'il n'y a pas Audrey Perrault, ça va chier. Déjà, on est vraiment un duo. Déjà, j'écris pour moi. Déjà, déjà, c'est bien. J'aurais plus besoin qu'Audrey. Moi, j'ai le Evil Dead aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Le prochain Evil Dead. Voilà. Ouais, bah, c'est Sébastien qui réalise. C'est pas moi. Parle anglais, dis-leur. Yeah, yeah, yeah. Il y a un démon tapeur. C'est bien. C'est bien. Tu vas quand même faire un casting. Mais c'est gentil d'avoir pensé à elle, monsieur. C'est quand même un petit peu. On va faire 2-3 lectures. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Un bisou. Prenez soin de vous. Mangez des courgettes. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.